vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Dominique Notte-Mavungu accueillera un autre invité prestigieux dans sa chronique Voix d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau nous invitera à ouvrir nos esprits dans sa chronique Gauchère Bévue. Ah, j'ai hâte, assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 6 mars 2018. On est à 52 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mmh, ta face faisait mardi pas mal. Tu faisais une face de... Ah ouais? L'air... C'est quoi une face de mardi? Je sais pas, une face fâchée. T'avais l'air de quelque chose de fâchant. Non, du tout. Non? J'ai la difficulté avec mes yeux depuis quelques jours. On dirait que ça focus pas. Ben voyons donc. Ben ouais. T'as besoin d'une mise à jour. Oui, exactement. J'aurais besoin d'aller faire un petit tour chez mon optométriste. Ou deux breaks. Aussi. Ah, c'est peut-être c'est ça. C'est peut-être ça. Le mois de mars. Oui. Est moins pire que le mois de février. Ouais. Mais. Moins bon que le mois d'avril. C'est en plein ça. Il s'en vient. Hey, 52 jours. On va se dire, c'est pas beaucoup. Il reste 2 mois. Non, en effet. Même pas 2 mois, en fait. Moins de 2 mois. Ouais, moins de 2 mois. Aujourd'hui, l'émission, Tania, pendant qu'on est là, pendant qu'on a des invités à recevoir, on va avoir Dominique Notte-Mavungu qui est là à 8h30 pour sa chronique Voix d'Afrique. Encore une fois, il nous a amené un petit invité surprise en studio. Ben, c'est moins surprenant parce que là, je l'ai dit, mais on sait pas c'est qui encore. On sait pas c'est qui. Ouais. Donc ça, c'est à 8h30. Ensuite, à 9h, Jimmy Thibodeau avec sa chronique Gauchère Bévue, lui qui prend le sujet de la gauche, étant lui-même de gauche, et vient un petit peu le déboulonner. Toujours la misère avec ce mot-là. Déboulonner. Mm-hmm. Puis à 9h30, heure exceptionnelle pour Marc-Olivier Dumas, qui habituellement est en du milieu d'émission. Oui. Là, va être à la fin. Pour parler de sport, si tout va bien avec lui, est-ce que ça va bien? On sait pas. Non! Non! Ben non! Non! À la seconde près, non, pas de Marc-Olivier Dumas. Bon, ben... Avant, si vous avez regardé mes messages, 3 secondes avant. Ben, prends soin de toi, Marc-Olivier. Oh, il est malade. Mal de dos. Ah. Oh. Ouais. Pauvre Bref, enfant. Ouais. Pas facile? Pas facile. On va avoir d'autres choses pour récompenser cette chronique-là. En fin d'émission, ta chronique s'en vient aussi, Tania Sgolentretien. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler de science aujourd'hui. Ouais. Je me prends un petit peu pour Justine dans sa chronique Justine Pertine. Qui va revenir. Qui va revenir un jour, mais là, considérant le fait qu'elle n'est pas là, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'on ne se fait pas expliquer des choses scientifiques. Mais je ne vais peut-être pas vous expliquer des choses extrêmement scientifiques aujourd'hui, mais on va parler de science. Ça, c'est sûr. Cool. On va combler le manque à Marc-Olivier. Je suis encore en train de rire de ça, je m'excuse. C'est l'émission d'aujourd'hui, ça et beaucoup plus encore. Hein, que de surprises, c'est tout le temps ça, assemblage requis, on sait jamais. On sait jamais. Dans quelques instants, on va faire son foot palmarès, comme on le fait en début d'émission la plupart du temps. Et aujourd'hui, on va parler de la vie des gens riches et célèbres. Hier, on a parlé des Oscars ensemble, tu te souviens. Oui. On a fait quasiment 45 minutes là-dessus. On va continuer dans le même genre, mais avec des gens riches. Qu'est-ce que ça fait des gens riches? Mon Dieu, que ça fait des gens riches, pas grand-chose. Non, je sais pas. Ça se procure un garde du corps. Ah, ben oui, souvent, ben oui, c'est vrai. Donc, on va en parler tantôt. Et si vous n'êtes pas encore riche, on va trouver des façons de se rendre riche. Ouais, OK. C'est une... Peut-être. Malade, je vais écouter, crée-moi. C'est ça. Mais pendant ce temps, hein, on va se divertir en musique un peu avec une nouvelle entrée de Maud Audet sur le palmarès francophone. Voici nos lèvres retournées à Assemblage requis. C'est pas échangeable, ça, hein, des lèvres. Hein, non, c'est... non, non. Non? Est-ce que t'as 10% de rabais si je veux te comparer les prix? C'est Maud Audet. Tu vois derrière mes yeux, je me trouve dans les tiens. Sur nos peaux qui se craquent, brillent-nous lendemain. Et même si tout se brise, que l'hiver se retient. On chasse les hantises, on fraye les matins. Je t'aimerai plus fort, toi qui les semi-creux. Tu inventes si Maudet. Oui, tu l'aimes beaucoup dire Maudet. C'est Maudet. C'est Maudet. Ouais. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Mais qu'on ne l'avait pas entendu, surtout. Et qu'on l'a jamais vu. Ses lèvres retournées. On ne l'a jamais vu, absolument. On ne sait même pas c'est qui. On ne sait même pas de quoi a l'air. On s'excuse. On est à la radio. Hein? Ben oui. C'est de la radio, pas de la TV? Ben non. Maintenant, tiens, justement, parlant de radio et de télé, hein, les vedettes de ce monde, voici son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, ben, comme je l'ai dit, on va parler de gens riches et célèbres, mais par la bande un petit peu, parce qu'on va parler de gardes du corps. Ouh. Des secrets des gardes du corps. On sait quand quelqu'un est une vedette, directeur général d'entreprise de multimillionnaire, peu importe, on a besoin de se faire protéger. Hein? Oui, ben ouais. Oui, souvent. Hein? C'est une barrière physique, donc, contre les gens qui pourraient vouloir leur faire du mal. Mm-hmm. Hein? Donc, parlons de ces gens-là. Pour commencer, plus gros ou plus grand n'est pas nécessairement mieux. Non. Hein? Lorsqu'on travaille avec une foule, qu'on essaie d'empêcher les gens d'approcher, à avoir une bonne présence physique, c'est très pratique, mais ce ne sont pas tous ces spécialistes de la protection rapprochée, comme on les appelle, close protection specialists, qui ont besoin d'être la grosseur d'un lutteur professionnel. En fait, on dit que ça dépend du client. Selon Anton Kalejian, qui est le fondateur de Guardian Professional Security en Floride et l'ancien chef de garde du rappeur et acteur et quoi d'autre, 50 Cent, mm-hmm. Il dit que c'est un peu comme magasiner pour une voiture. Des fois, ils veulent un gros véhicule utilitaire sport et des fois, ils veulent quelque chose qui ne se démarque pas du reste pour avoir l'air plus, tu sais, normal sans avoir ton harem, ton crew autour de toi. Bref, on a besoin d'un gars, d'une personne normale qui a un écouteur à l'oreille et non pas un monstre. Ensuite, les fusils et les poings sont pas mal inutiles pour les gardes du corps. Ouais, c'est surprenant. En dépendant de l'environnement, protéger un musicien à un concert pourrait être différent de protéger quelqu'un d'une compagnie pharmaceutique, peut-être. C'était tout autre chose dans Bodyguard avec Tina Turner. C'est Tina Turner? Non, c'était pas... un peu, là, je me mêle avec Julia Roberts. C'était quoi, ça? Non, ça, c'est La mariée est en fuite. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est Pretty Woman. Bodyguard, Bodyguard, c'est avec, c'est avec Tina Turner. C'est ça? Mais il me semble. Attends. C'est Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney. C'est pas Tina. Espèce de raciste. On s'excuse, Whitney. Whitney. Qu'est-ce que je disais? Oui, les gardes du corps ne sont pas nécessairement armés. Selon Kit Moyer, président et directeur général de World Protection Group et un ancien garde du corps pour le fondateur de Playboy, Hugh Hefner. Mm-hmm. Wow! Il devait avoir une belle vie, lui. Probablement. Et Hugh est son garde du corps. Bref, jouer avec son fusil, hein, c'est pas nécessaire. En effet. Les gens ne comprennent pas nécessairement que c'est pas une business où on a besoin de sortir son fusil. Ils disent être entraînés pour couvrir et évacuer quelqu'un pour le tasser de tout ce qui pourrait, être problématique. Mais le but n'est pas de se battre ou d'utiliser la force. Si un gardien a besoin de sortir un fusil pour répondre à un fusil que quelqu'un d'autre sortirait, évidemment, ce serait que c'est un échec, que sa job est un échec, mm-hmm. Parce que tu devrais pas avoir à te rendre jusqu'à avoir à sortir ton fusil. Ouais. Tu comprends? Ensuite, ils sont engagés des fois pour protéger les employeurs de leurs employés. La violence au travail, oui, dans des compagnies, ça peut arriver, surtout lorsqu'il y a des renvois ou des mises à pied, des trucs comme ça. Alan Schissel, qui est ancien sergent de police de la ville de New York et fondateur de Integrated Security, dit avoir envoyé des gardiens pour ce qu'il appelle des hostile work termination, donc mise à pied hostile, si on veut, au travail. Ils ont beaucoup de demandes spéciales d'amener des gardiens de sécurité armés, mais discrets, lorsque quelqu'un va être renvoyé. Ils veulent s'assurer que la personne ne revienne pas pour peut-être accomplir quelque chose qu'on voudrait pas vivre dans un environnement de travail. Comprenable. Ensuite, certains gardiens de sécurité aiment bien les médias ou les paparazzis à la TMZ et autres. Ah ouais? Ouais, pour les spécialistes de la protection qui prennent des clients vedettes, le site de nouvelles de Potin TMZ peut être souvent une très bonne ressource. Moyer, dont on a parlé tantôt, dit « J'adore TMZ, c'est un coffre au trésor pour moi de voir tous les problèmes que les gens peuvent avoir avec leur garde du corps ou qui s'est fait arrêter. » Ils disent que c'est très bien pour pouvoir se procurer de nouveaux clients, des fois, si ça va pas bien avec un garde du corps. Moyer pense aussi que l'escouade très organisée de photographes du site peut être très bon pour s'entraîner dans différents scénarios, faire des drills, des tests de protection. Donc, tu peux regarder un paparazzi, voir un paparazzi comme une menace, même s'ils ne le sont pas vraiment, mais tu peux aussi voir comment tu pourrais naviguer autour de ces paparazzis-là et avoir des caméras proches de célébrités déjà quand tes gardiens gardes du corps, finalement, peut t'aider dans ton travail aussi. C'est cool. Quand même. Sûr. Ensuite, ils ne vivent pas la vie que tu penses qu'ils vivent, ces gardes du corps-là. Ah non? Ben non, les gardes du corps sont souvent vus très très près des vedettes. Certains pensent qu'ils pourraient avoir le même genre d'expérience de vie que les vedettes, mais non, pas vraiment. Ils vivent pas les mêmes vies du tout, en fait. Ils disent, oui, on prend des jets privés avec eux des fois, mais on ne peut pas savourer les différents avantages qu'il y a. On peut peut-être vivre dans leur maison, mais on n'aura pas accès à la piscine, des trucs comme ça, hein? Donc, en avion, tu n'auras pas accès au menu 5 étoiles ou je sais pas trop, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux avoir en avion? La première classe ou peu importe. Mais bon, ils sont dans le style de vie des vedettes, mais de façon adjacente, si on veut. Ensuite, les gardes du corps peuvent être seulement là pour les apparences. Ah, OK. Ouais, être entouré de gens qui ont l'air sérieux autour de toi quand t'es vedette, c'est pas une question de nécessité, c'est une question de sérieux, c'est une question de statut. Hein? Mm-hmm. C'est comme avoir une voiture chère, des trucs comme ça. C'est une question d'apparence, d'avoir l'air hot. Hein? Les firmes vont des fois, les firmes de garde du corps vont des fois recevoir des appels de gens qui cherchent une façon de se faire remarquer en engageant une escouade de garde du corps, même s'il n'y a pas de menace. Oh. C'est donc un luxe. C'est plus un genre de regardez-moi. Ben ouais. Il n'y a pas vraiment de menace, mais ils se présentent et ils protègent quand même parce que c'est leur job. Une chance. Mais ça veut pas dire que c'est très utile. Non, c'est ça. Ensuite, ils peuvent rendre la journée de leurs clients un petit peu plus efficace, ces gardes du corps-là, parce que les gardes du corps vont aller à la destination où la vedette va aller à l'avance. Donc, ils vont savoir exactement par où entrer, par où sortir, sans avoir à chercher quand ils sont sur place, évidemment. C'est pour ça que, donc selon Moyer, les directeurs généraux et les célébrités peuvent réussir à accomplir plus de choses pendant la journée parce qu'ils n'auront pas eux-mêmes à chercher leur trajet. Ben ouais. Parce que le garde du corps va l'avoir fait. Hein? On sait par où entrer. C'est bon, ça? Ils savent où les salles de bain sont aussi, question de ne pas être trop vus. Ensuite, tiens, on parle du problème des bodyguards, B-U-D-D-Y, comme dans Ami. Oui. Les relations trop proches, peut-être. Lorsqu'on évalue si on veut prendre un nouvel employé ou pas, notre ami Calais-Jean de tout à l'heure essaie d'éliminer les gens qui essaient de partager le statut de vedette du client. Donc, il y a des gens qui deviennent bodyguards parce qu'ils veulent être vus avec les vedettes et on essaie d'éliminer ça. Tu comprends? Okay. Donc, les bodyguards qui postent des photos d'eux-mêmes avec des clients sur les réseaux sociaux, ben c'est sûr que ça va terminer leur carrière assez rapidement. Personne ne veut d'un bodyguard comme un ami gardien. C'est comme ça. Donc, Calais-Jean dit avoir passé 12 ans avec le même client. Quelque chose de très, très rare, apparemment. Ah. Ensuite, justement, les médias sociaux rendent leur travail plus difficile à ces gardes du corps-là. Ouais, ça doit, hein? Ouais, donc les vedettes, luxueuses de catégorie A, comme dirait notre ami Louis-José Houd, c'est ça? Ah, ouais. Maintiennent leur visibilité en parlant sur les réseaux sociaux, en étant proches des gens. Donc, ils vont poster souvent leurs voyages, leurs événements. Pour les fans, ça donne un petit indice de leur vie. T'as l'impression de vivre par procuration, si on veut. Mais pour quelqu'un qui souhaite leur faire du mal, ben là, c'est comme une carte qui leur pointe où est la vedette. OK. Hein? Donc, des fois, tu vas les voir sur Snapchat et bon, ils vont être je sais pas, là, c'est le gardien de sécurité qui dit, bon, je les vois sur Snapchat au centre d'achat à 14h. J'aurais dû le savoir. faut que tu le demandes au gardien. Pas que tu te le demandes, mais au moins que tu le dises au gardien de sécurité. Mm-hmm. Je sais pas, il devrait savoir ces affaires-là, dit-il. Hein? Ensuite, c'est pas chaque vedette qui paie pour sa propre protection. Ah? Ouais. La prochaine fois qu'on voit quelqu'un entouré d'une équipe de protection, ça veut pas dire que c'est cette personne-là qui a payé la facture. Souvent, les vedettes ne peuvent pas se permettre financièrement une protection à temps plein. Ouais. Donc, une protection vraiment à 24 heures sur 24, comme son agence fournit. Donc, souvent, ça va être l'émission de télé ou le film auquel ils participent qui vont payer pour le garde du corps. Une fois que l'émission est terminée, ben, souvent, ils auront plus ça. Je savais pas. Et ensuite, on a le fait qu'ils aiment pas se faire appeler des bodyguards. Oh, désolé. Ah, on vient de passer depuis une chronique tantôt, à faire. On dit ça. T'avais juste à nous le dire à l'avance. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es supposé tout savoir à l'avance, s'il le dit. Bref, peu de gardiens de garde du corps vont s'appeler eux-mêmes des bodyguards. Moyer, dont on a parlé tantôt, préfère agent de protection exécutif. Executive Protection Agent. Parce qu'il dit que bodyguard, ça a une connotation négative, genre un gros goon. Ouais, ok. Genre, comme un doorman, un peu. C'est pas mal ça, un portier. Bref, un groupe dysfonctionnel de gens qui sont pas vraiment entraînés à rien et qui devraient pas être dans l'industrie, dit-il. Des fois, un ancien ami d'enfance peut devenir un gardien de sécurité, donc un rôle pour lequel il ne serait pas qualifié. Alors, Moyer et d'autres firmes ont des cours spécialisés et on se base sur les protocoles des services secrets américains. Wow! Quand même! Et on dit aussi... c'est pas mal ça, finalement. Ouais, pas mal ça. Pour les gardes du corps. Et justement, si vous n'êtes pas encore rendu riche et que vous n'avez pas encore de garde du corps, peut-être que vous devriez trouver des produits chez vous, des affaires, des articles qui pourraient valoir une fortune. Donc, allons-y avec une liste de choses que t'as peut-être chez toi et qui pourraient valoir une fortune. OK, allons-y. Des fois, t'as des trucs dans ta maison que tu t'en rends même pas compte. C'est vrai, un ça. Un vieux c'est... Pyrex, Mon quelque Dieu, chose comme vrai. Ça. C'est incroyable. Donc, quelques affaires comme le vinyle Diamond Dogs de David Bowie. Non, c'est pas ça, je suis C'est pas ça. L'album Diamond Dogs de 1974 vaut beaucoup d'argent étant donné l'histoire derrière l'art qu'il y a sur la pochette. L'image à l'origine mettait en vedette une illustration de Bowie avec le bas de son corps remplacé par celui d'un chien, mm-hmm. avec son appareil génital et tout. Ça a rendu très nerveuse la compagnie RCA, donc l'image a été modifiée avant de se rendre en magasin. Et certaines copies, bien sûr, ont réussi à sortir quand même. Et en 2003, une copie de, de l'original avec la pareil génital du chien, c'est vendu pour 3550. Oh! On sait pas combien de copies de cet album tabou qui était envoyé à l'impression. On ne sait pas avant l'ascension. Ensuite, les jeux vidéo rétro. Il y a plusieurs jeux de Super Nintendo, entre autres, qu'on peut retrouver dans un sous-sol ou un grenier, peu importe, dont des éditions de compétition limitées et des importations japonaises. D'autres titres comme Super Mario RPG, Mega Man X3, Harvest Moon et Chrono Trigger étaient des grands succès qui sont probablement toujours dans les garde-robes de certains. X3 et Chrono Trigger en particulier peuvent se vendre 400 et 600 dollars US respectivement. Il y a un gros marché évidemment pour ça et c'est pas limité à la Super Nintendo. Chaque console a sa bonne part de titres qui valent très cher, de la Genesis à la PlayStation 4. Un des plus célèbres, c'est Lil Samson sur la NES, la Nintendo d'origine, qui finit souvent sur eBay et peut aller jusqu'à 1000$ US. Ah! Le jeu est très très rare, donc vous l'avez probablement pas chez vous, Lil Samson. Ensuite, oh là là, ça pourrait rejoindre un grand public. Ah oui? Tout ce qui est Polly Pocket. Oh mon Dieu! Est-ce que t'avais ça? J'avais ça. J'en avais pas beaucoup. Ma cousine en avait beaucoup plus que moi. Ouais, puis, t'es jalouse. Hein? Ouais, je suis jalouse aujourd'hui, considérant le fait que, man, ça peut valoir vraiment cher! Oh oui! La folie des années 90, hein? Des Polly Pocket, c'est joué en plastique pliable qui crée des petites maisons. Ouais? Ouais. Plus grandeur, ben pas nature, mais plus grand que Polly Pocket, c'était tout ouais, petit. Ouais, c'était vraiment petit, j'aimais pas tant que ça. Comme un dé à coude. C'est ça. Bref, hein? Sur eBay, ça a une deuxième vie, ces Polly Pocket-là. Une seule recherche va te montrer comment ça peut valoir de l'argent. Le Peter Pan Polly Pocket peut se vendre jusqu'à 300$ US. Ouh! Et une collection de maisons de Polly Pocket, un petit peu au hasard, pour 250$. Quand même, et ça c'est après Mattel, parce qu'apparemment que Mattel, c'est quoi, ont racheté, je sais pas, Polly Pocket. Donc il faut avoir une collection originale de Polly Pocket. De base. Okay. Peut-être que les versions plus récentes, il me semble que ça... Il n'y a pas des nouveaux Polly Pocket qui Écoute, sont récents. Il me semble que j'ai vu cette pub-là. Je ne pourrais te dire. C'est probablement ceux-là qui sont Mattel. Mais bon, peu importe, c'est pas le fait le plus intéressant de la chose. Ensuite, les bandes dessinées vintage qui ont inspiré les films et les émissions de télé de nos jours. Alors, on allume la télé, on va au cinéma, peu importe. Qu'est-ce qu'on voit? C'est des super-héros basés sur les bandes dessinées, toute la gang. Maintenant, les copies de Black Panther... À la série des années 70, écrite et illustrée par le co-créateur Jack Kirby, a son moment sur eBay, cette collection-là. Ah ouais? Ouais, l'enchère pour les 15 numéros de la série se vend au-dessus de 150$ et des numéros simples, un seul numéro à la fois, pour 50$ facilement. La première apparition en bande dessinée du vilain Killmonger, qui est aussi dans le film Black Panther, vaut maintenant en ce moment 100$ US environ. Mais c'est rien comparé au début de Black Panther, ça peut aller de quelques centaines à 1000$ dépendant de la condition. Wow! Et les prix augmentent lorsque les personnages sont dans le spotlight du cinéma ou de la télé, donc c'est normal. Et faites vos recherches aussitôt qu'il y a une nouvelle série qui sort ou un nouveau film. Ensuite, des pancartes publicitaires vintage. Okay. Genre Coca-Cola ou autre. Mm-hmm. Hein? Donc, dans le temps, avant qu'il y ait des pop-ups sur Internet, il y avait des vraies pancartes. Il y en a encore oui, aujourd'hui. Clairement. Mais maintenant, ça a tendance à être des... Pas des coroplastes. Ben, des coroplastes, oui, des morceaux de plastique bizarres gaufrés. Là. Mm-hmm. Mais aussi, genre, des banderoles de vinyle. C'est bien oui. la mode. Ben, oui. Mais des grosses pancartes de métal qui durent des décennies. Hein? Ben, ça, c'est vraiment le fun à avoir, peut-être dans, comme décoration. Mais vous allez devoir payer cher. Par exemple, sur eBay, présentement, il y a une pancarte de Indian Motorcycles et une autre de AAA Root Beer qui se vendent 225$ et 300$ US. La pancarte de Coke dont j'ai parlé tantôt se vend plus de 600$ US sur eBay. OK. Les pancartes de bière font aussi beaucoup d'argent. Des marques vintage que je connais pas, comme Falstaff et Grisdick, peuvent t'aller dans les 500$ US. Et les pancartes de compagnies un petit peu plus communes comme Pabst et Old Milwaukee peuvent t'aller dans les 4 chiffres, donc en haut de 1000. Peut-être que quelqu'un autour de vous a une vieille pancarte en aluminium ou en métal comme ça. Ça pourrait être pratique à avoir. Ensuite, tout ce qui est souvenir des scouts ou trucs équivalents, peut-être un petit peu moins au Québec, probablement même pas du tout. Moins probablement. Mais quand même, des badges des scouts américains, ça peut aller jusqu'à 240$. Wow! Incroyable sur eBay. Plusieurs patchs, plusieurs badges pour des mises de 100$ en ce moment. Donc, si vous en avez, peut-être. Ensuite, les cartes de Pokémon. Mmh. Oh oui, toutes les cartes de Pokémon qui sont probablement toutes pliées ou froissées en quelque part chez vous, que vous avez échangées peut-être à des amis, maintenant vous le regrettez. Une seule carte ultra rare peut valoir dans les milliers de dollars. Par exemple, le Charizard Holograph, c'est vendu pour 12 000$ US. Évidemment, elles doivent être cotées, examinées par les experts pour pouvoir se rendre à ce prix-là. Mais, je sais pas, une pile de cartes en condition parfaite, mint condition, pourrait valoir un peu d'argent. Ensuite, encore un autre truc très américain, des 25 cents du Kansas. Qu'est-ce okay. que c'est ça? Ouais, ben je me rappelle d'avoir déjà vu un fait là-dessus, c'est quand même assez intéressant. Une batch de 25 cents de l'État du Kansas a fait modifier sans faire exprès le slogan de l'État. Il y a eu une mauvaise impression d'un T sur la machine. Donc à la place de dire « In God we trust », ça dit « In God, God we rust ». C'est incroyable. L'erreur n'a pas duré longtemps et les pièces irrégulières se sont rendues un petit peu partout dans le monde et elles valent environ 100$ US chaque. Ah oh, ouais. Pas pire, donc peut-être, si vous avez de l'argent américain. C'est très, très peu probable, mais quand même. Mm-hmm. Ensuite, votre belle vaisselle. Oui. C'est ce qu'on appelle de la china, des fois, en ouais, anglais. Oui, oui, oui. La belle vaisselle de visite. Tu sais que même quand c'est de la visite, il faut que ce soit... T'es pas sûr si tu veux la sortir ou non. Si la reine vient, peut-être. Peut-être. Peut-être. Bref, ça se peut que vous ayez de la belle petite vaisselle. Hein. Ça peut avoir de la valeur sur des sites comme eBay et sur le site EBTH. OK. Il faut apparemment maximiser sa valeur. Donc, amener ça chez un antiquaire, hein? Et mm-hmm. avoir un estimé de sa valeur. Certains, ça peut valoir des centaines, sinon peut-être des milliers de dollars si c'est de la vraie belle vaisselle luxueuse donnée de génération en génération. Wow. Ensuite, des figurines de Star Wars original Kenner. Un grand classique. Ouais, donc quand les films d'origine de Star Wars sont sortis, il y avait quelque chose qu'on avait oublié, les jouets. Les ouais. jouets n'étaient pas prêts pour la première. Personne ne pensait mm-hmm. que ça allait devenir un grand succès. Donc, Kenner a dû se dépêcher et sortir des jouets l'année après la sortie du film. Hein? Okay. Mais une fois que ces jouets-là sont arrivés en magasin, oh ben là, c'était un tremblement de terre de succès. Hmm. Les jouets de Star Wars se sont enfuis très rapidement des tablettes et c'est devenu des articles de collection, surtout les jouets des années 70 et 80. Un jouet de 1978 de Luke Skywalker, celui avec un sabre laser double télescope, double télescopique, s'est vendu aux enchères pour 25 000$ US. Et ensuite, il y a des figurines de Boba Fett qui se vendent pour 2 500$. Et plus obscur dans ce cas-ci, des figurines de Hayden Christensen dans le rôle de Anakin Skywalker. Oui! Hey, je l'ai-tu détesté? Je trouve tellement mauvais. On pourrait en parler longtemps, je pense. C'est la... Ouais. Tu sais, même le petit gars était meilleur. Tu sais, on était content que ça soit un Canadien. Mais... Boswell, ça valait pas ce qu'ils avaient dit que ça allait valoir. Prenez un acteur de talent. Ouais. Ben, il y a des films dans lesquels Hayden est bon, là. Possible. Après ça, peut-être? Non. Comment ça s'appelle? C'est la maison sur la montagne, c'est ça, là. C'est un drame, là. C'est là-dedans qu'on l'a connu, en fait, qui s'est fait connaître. OK. C'est un drame, là, évidemment. Ouais. Mais là-dedans, il était quand même bon. Il était potable, tu sais. Mais là... Dans un film de science-fiction. Pourquoi il a offert Star Wars, anyway? Tu sais, sûrement, c'était filmé devant les écrans verts et tout ça. Fait que peut-être qu'il était pas habitué de jouer avec des robots puis des créatures, je sais pas. Mais possible. Il l'avait pas. Non, c'est ça. Pis sa petite couette, là, en tout cas. Anakin Skywalker avec Hayden Christensen pour 3 000 $ US sur eBay. Ensuite, évidemment, il y a les véhicules de Star Wars, hein, comme le Faucon Millénaire, ou peu importe comment vous l'appelez dans votre version française ou québécoise. Ça peut aller jusqu'à 3 000 $ s'il est toujours dans la boîte. Hein? Mm-hmm. Avec plusieurs enfants qui ont eu ça dans les années 70-80, donc peut-être votre chance d'avoir un peu d'argent. Ensuite, les boîtes à lunch vintage. Oui, mon Dieu, ça y est. C'est-tu beau, des boîtes à lunch? Il en sort encore des boîtes à lunch style vintage, ben oui, c'est sûr. De collection. J'en ai vu une de Mario Odyssey récemment, quand même. Bref, c'est bien sûr des articles de collection que les gens adorent garder. Hein? Personnages de bande dessinée, super-héros, groupe de rock, tout le monde a eu sa boîte à lunch en métal pour mettre son sandwich, hein? Évidemment. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 100 $. Hey, en ce moment. T'es-tu sérieux? Même plus, en fait, j'ai dit jusqu'à, mais ça peut aller au-dessus de 100 $. Une boîte à lunch de Bonanza, la série Western, un peu, s'est vendue pour 130 $ US. Celle des Beatles, même en très mauvaise condition, s'est vendue pour 400 $. Hey. La série télé Les Munsters, Superman, Lost in Space, tout ça au-dessus de 100 $. Certaines peuvent aller jusqu'à 200 si on parle de Wild Wild West. Davy Crockett, 230 $. Quand même pas mal de choses qui valent de l'argent. Ouais, vraiment. Ensuite, et c'est peut-être plus facile à avoir si vous l'avez déjà chez vous, c'est peut-être plus facile à revendre parce qu'il n'y a pas souvent de mots écrits dessus en français. Tu sais, comme mettons les cartes de Pokémon avec du texte en français, je sais pas si ça se vendrait aussi cher. Je suis pas certaine. Alors que la boîte à lunch qui est écrit Kiss dessus, ça reste l'original. Tu peux la vendre partout dans le monde. C'est vrai. Ensuite, justement, au début de l'article, on parlait de Pyrex. Mm-hmm. J'ai dit peut-être, as-tu des Pyrex qui pourraient valoir de l'argent? C'est vrai, t'as dit ça? Les gens aiment les J'en ai Pyrex. Pas, mais oui, c'est vrai. Moi non plus, j'en ai pas. J'ai jamais cuisiné quelque chose qui avait besoin d'un Pyrex. Moi non plus. Mais bref, un plat à beurre de Pyrex. Parce qu'évidemment, Pyrex, on pense au gros au rectangle. Oui. Mais ils ont fait plein d'autres produits. Hein, c'est vrai. Dont un plat à beurre qui se vend 225 $ sur eBay. Ouais. Des ensembles de bols de Pyrex à plus de 300 $ US. Et un ensemble croustille et trempette pour 100 $. Wow! Oh. Hein? Tout le monde a ça, quelque part. Ben oui. Dans sa famille. Ensuite, celui-là, je le connais moins, mais je sais que ça a eu du succès, même que ça en a encore aujourd'hui. Je me rappelle qu'on a révélé le plus récent modèle de cette poupée-là à une émission à grande écoute le matin aux États-Unis récemment. C'est les poupées American Girl. American Girl? La plus récente American Girl, ça va dans l'espace, il me semble que j'ai vu ça à Good Morning America. OK. Bref, ces poupées American Girl de 1986 sont très populaires chez les collectionneurs. La poupée Samantha se vend 4 200 $ US sur eBay. Oh, wow! Ça inclut son habit et ses accessoires, quand même. Mais d'autres poupées peuvent aller jusqu'à 2 800 $ dans leur emballage original. Ça peut être plusieurs centaines de dollars, donc un bon prix, un bon profit versus le prix que ça a coûté à l'origine. Ensuite, toujours dans la liste des choses qui pourraient vous valoir une fortune, de vieilles machines à écrire. Ah oui! Peut-être dans le garage, quelque chose qu'on connaît pour son clic-clac-clic-clac des touches, on aime bien ça. Ça garde sa valeur très longtemps, ça. Sur eBay, les machines à écrire en bonne condition peuvent se vendre 200 $ US. Et un modèle orange unique est à 250 $ en ce moment. Certains modèles antiques peuvent aller à 475-560. Le monde des machines à écrire est apparemment très très complexe. Plusieurs compagnies, plusieurs modèles sur le marché au début du 20e, pas au début, mais au 20e siècle, pardon. Mais c'est ça, les gens ne veulent pas nécessairement dépenser beaucoup d'argent pour un modèle, même s'il est vieux. Donc allez voir, regardez s'il est en bonne forme, testez-le avant. Si c'est à la mode ainsi que fonctionnel, là, quelqu'un pourrait en vouloir, peut-être pour écrire leur prochain roman, on sait pas. On revient aux figurines pour terminer avec des figurines vintage de He-Man, G.I. Joe et Transformers. C'était les gros noms des années 80 dans les figurines et ça peut se vendre assez cher. Un He-Man avec tous ses accessoires qui a même pas besoin de boîte et ça va quand même se vendre 500 $, oui. Skeletor de la série. Et si tu rajoutes aussi quelques bandes dessinées, tu pourrais monter jusqu'à 250 $ quand même. Le Transformers Jetfire est à 200 $. Optimus Prime est à 300 $ et plus. Donc, quand même, Allez voir ça. On peut même aller jusqu'au Masters of the Universe Eternia Playset. Donc, c'est un ensemble de Masters of the Universe qui se vend sur eBay pour 9 999 $. Wow! Et même en partie, c'est 100 juste pour les petits morceaux. Ah ouais? De cet ensemble Masters of the Universe. Des vieilles figurines. Voilà. Peut-être avez-vous quelque chose là-dedans. Vous nous le direz si vous réussissez à avoir quelque chose. Oui, c'est ça, exact. Ça a l'air un peu probable. Tenez-nous au courant. C'est ça. AssemblageRequis.com pour en avoir plus de liens dans les notes de l'émission numéro 12-13. Voilà pour cette chronique-là de Son Foutu Palmarès. On prend une pause. Au retour, on continue ça avec d'autres choses. On va voir ce qu'on a. On a du temps à remplir aujourd'hui. Ben oui. Mais entre autres, ta chronique s'en vient plus tard. En effet. Ouais. Mais on prend une pause avant ça. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. L'entrée de Mimicking Birds, c'était Sunlight Days. C'était pas mauvais, ça. Hey, c'était très bon. Très calme, très... On aime ça. Ambiant. Ouais. Mmh. Là, ça va être moins ambiant parce que je vais chanter. Oh boy. Voici Tania's Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui... qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do Tania. On parle de science aujourd'hui. Oui, on parle de science parce que, bon, vous le savez quand même, hein, parfois ça m'arrive de parler de quelque chose de scientifique. T'es une fille intelligente, ben oui. Ben, je suis peut-être pas intelligente, mais j'essaie de m'instruire de façon intelligente. Curieuse. Et c'est un petit peu là où je veux vous amener, en fait, ce matin. C'est arriver à vous instruire de façon intelligente du côté scientifique. Parce que, bon, on va se le dire, c'est quand même assez difficile parfois avec le jargon scientifique d'essayer de comprendre quelque chose qui en vaut la peine, disons ça comme ça. Et je suis arrivée sur un article, en fait, qui a été écrit par, laissez-moi retrouver son nom, Marjorie Grondin-Paradis, sur le site La Fabrique Crépu, qui sont en fait trois chaînes YouTube de science où c'est, il fait tout simplement bon de les écouter parce que, justement, ça nous instruit de façon assez... de façon assez familière. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne rentrera pas dans les immenses gros détails, dans les gros non-scientifiques qui n'ont pas plus ou moins de connaissances pour nous. C'est dans les mots qu'on utiliserait, c'est plus familier. Exactement. Il y a une logique, en fait, des sciences, des maths et tout ça. Mais bon, hein, on va se le dire, c'est difficile. C'est difficile. Puis on essaie souvent aussi de faire en sorte qu'on soit capable de vulgariser super bien des sujets qui sont scientifiques. Et c'est souvent là aussi qu'il va y avoir des lacunes de la part des scientifiques parce que on va pas les blâmer, ça. Mais c'est ça, ouais. Ils connaissent trop ça, ils baignent là-dedans, donc d'utiliser un terme quelconque, pour eux, ça peut sembler banal, mais lorsqu'on essaie de vulgariser ce mot-là, de le rendre beaucoup plus simple pour monsieur et madame tout le monde, bien à ce moment-là, c'est un peu plus difficile. Bien, justement, ces trois chaînes YouTube-là peuvent arriver de façon assez simple à vous expliquer les grandes lignes de la science. La première, c'est « It's okay to be smart ». Oh, wow. C'est une chaîne américaine, vous l'aurez deviné, donc c'est en anglais. Ça a été créé par le Dr. Joe Hansen, qui vulgarise super bien là, des sujets concernant les sciences. On utilise plusieurs médiums afin de rendre justement ces capsules très, très intéressantes, mais aussi super éducatives. Donc, les sujets sont vraiment très diversifiés. On peut par exemple, écouter une vidéo sur pourquoi est-ce que la musique nous fait bouger, pourquoi est-ce que la couleur bleu, c'est si rare dans la nature, à part le ciel. Qui a construit les pyramides? Ce genre de trucs-là. Et jusqu'ici, on comprend assez bien ce qu'il dit. Comme je vous le disais, par contre, c'est sûr que c'est en anglais. Donc, si vous êtes déjà à la base pas super à l'aise en anglais, peut-être... Souvent, les grandes chaînes ont des sous-titres en français que la communauté a fait. Je ne sais pas si c'est le cas. Exactement, peut-être, on ne sait pas. Dr. Hansen, en fait, a fait une vidéo où on visite une grotte de glace en Alaska. Et je dois dire que les images sont à couper le souffle. Les explications aussi sont vraiment très bien faites. Donc, on vous explique pourquoi la glace est bleue, mais que la neige est blanche. Ah. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez aller faire un tour sur la page YouTube. Là, il y a vraiment plusieurs vidéos. C'est déjà liké. Oui, en effet. Deuxième chaîne américaine, c'est Smarter Every Day. Donc, c'est le créateur Destin Sandlin, qui est un ingénieur aérospatial. C'est drôle parce que souvent, on se dit « Oh man, je suis tellement tanné de voir des vidéos de beauté sur YouTube. » Bien, sachez qu'il y a beaucoup plus que juste des vidéos beauté sur YouTube et c'est ce genre de chaîne-là que, personnellement, moi, ça m'attire. Je veux en connaître beaucoup plus. Je veux m'instruire de façon assez simple. Donc, on explore toujours plusieurs sujets. Par contre, sachez qu'il est quand même très fan des armes à feu. Ah, okay. Si vous avez un côté politique un petit peu plus développé, là, peut-être que ça va vous tanner à la longue. Mais on aime beaucoup écouter ces capsules qui sont de style scientifique. Si vous aimez les vidéos en slow motion, vous allez vraiment adorer ces capsules parce qu'on le met beaucoup de l'avant. On utilise justement le slow motion pour comprendre le phénomène scientifique quelconque qu'on est en train d'expliquer. Il y a des capsules qui sont très intéressantes, entre autres celle qui est sur l'art du tatouage. On peut voir de près montrait là, en slow motion l'effet de l'aiguille qui va rentrer sur la peau pour effectuer un tatou. C'est quand même assez fascinant. Bon, encore une fois, c'est en anglais, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, justement, je m'en excuse. Celui-là, je l'ai vérifié. Il y a des titres en français. Pour, okay. C'est laquelle? Smarter Every Day. C'est Smarter Every Day, parce que je ne l'ai pas vu, moi. T'as cliqué où pour c'est, voir ça? Ben, sur un téléphone, en tout cas, c'est les trois petits points, puis sous-titres. L'autre, tantôt, It's OK to be smart, il y a juste l'arabe et l'espagnol, pas le français, pour la capsule que j'ai vérifiée. Mais trois petits points dans le coin de l'écran, sous-titres. Sachez que mes trois chaînes sont anglophones, mais que, comme Mathieu vient de le dire, probablement que vous pouvez vérifier pour les sous-titres. La dernière, en fait, c'est Vsauce. C'est une chaîne américaine qui a été créée par Michael Stevens, qui illustre moins le sujet de ses capsules, mais on aime vraiment la section sur le comportement humain. Donc, qu'est-ce qu'on aime dans tout ça? C'est qu'on vient à poser plusieurs questions sur notre propre comportement. On comprend un petit peu de la façon comment on agit, mais de façon quand même assez scientifique, de façon expliquée. Une de mes capsules préférées, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous le cancer? Parce qu'on dit souvent que le cancer, c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de nous, mais qui va éclore pour certaines personnes. Donc, ça nous aide un petit peu plus à comprendre, par exemple, si on est entouré de gens qui ont souffert du cancer, pourquoi est-ce que certains ont décédé, pourquoi est-ce que d'autres ne sont pas décédés, et pourquoi est-ce que nous, on ne l'a pas eu nécessairement. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes comme ça. Je tiens à vous le dire, il y en a vraiment plusieurs, là, des chaînes YouTube de ce type-là. Si vous likez ces trois-là, ils vont vous en offrir pour le reste de votre vie. C'est ça, exactement. Sinon, du côté francophone, eh bien, vous le savez, je pense que je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, un de mes sites Internet préférés du côté des explications scientifiques, c'est l'agence Science Presse. Qu'est-ce que l'agence Science Presse en fait? Bien, si on veut vraiment savoir, ce sont des journalistes scientifiques qui se sont regroupés, qui ont travaillé ensemble. C'est un média qui est indépendant, à but non lucratif. Ça a été fondé à Montréal, en fait, en 1978. Et la mission, c'est de tout simplement alimenter les médias en nouvelles scientifiques, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit partout. Et sachez que l'agence Science Presse, c'est la seule agence de presse scientifique au Canada et c'est la seule dans toute la francophonie qui s'adresse aux grands médias plutôt qu'aux entreprises. On fait vraiment pas d'interpellation face à un produit quelconque. On y va vraiment dans les grandes lignes scientifiques. La principale publication en fait de l'agence a été le bulletin Hebdo Science et la technologie. C'est des médias qui sont à abonnement, qui sont à service de presse, puis réutiliser aussi l'ensemble de ces contenus. C'est quelque chose qu'eux font à tous les jours. Ce que j'aime beaucoup de l'agence Science Presse, en fait, c'est leur petite section détecteur de rumeurs. Ben oui. Si vous savez pas qu'est-ce que le détecteur de rumeurs, en fait, c'est très, très simple. Eh bien, comme on vient de le dire, ce sont des journalistes qui ont décidé d'exploiter la science. Donc, ce ne sont pas des scientifiques qui ont décidé de parler de façon journalistique. C'est vraiment des journalistes qui ont décidé de se pencher sur le côté de la science comme un journaliste pourrait tout simplement décider d'y aller du côté du sport ou du côté culturel. Donc, on a vraiment une connaissance scientifique qui est « at large », si vous me permettez le terme, et on essaie de justement expliquer certaines choses au grand public. Le détecteur de rumeurs, c'est à savoir si les choses qu'on nous dit souvent dans les médias sont vraies ou sont fausses concernant les sciences. Donc, par exemple, est-ce que avoir froid donne le rhume? Eh bien, c'est faux. Mm-hmm. Vous pouvez aller voir l'article pour savoir pourquoi. Est-ce que notre intestin a besoin d'être nettoyé? Bien non, c'est faux. Ça, j'en avais déjà discuté. Est-ce que le sel de mer, c'est plus santé que le sel de table? C'est faux. Vous avez vraiment là, une panoplie d'articles sur le détecteur de rumeurs. Et ce qui est le fun aussi, c'est que vous allez pouvoir les retrouver selon certaines catégories. Donc, si vous vous intéressez à l'alimentation, par exemple, bien, vous allez pouvoir aller dans la section détecteur de rumeurs, alimentation. Vous allez retrouver pour l'instant 12 articles qui parlent d'alimentation, mais on a essayé de démentir une certaine rumeur où on s'est rendu compte que la rumeur, elle était vraie. Par la suite, vous allez avoir, par exemple, la catégorie environnement, où là, vous allez retrouver 15 articles pour le moment. Vous allez retrouver le remue-ménage, où vous allez avoir 10 articles. La santé, en général, souvent la santé va porter sur le corps humain, non pas nécessairement juste sur l'alimentation. Ça va aussi parler souvent du côté de la santé des médicaments. évidemment. Sinon, vous avez la science, mais en laboratoire. Donc, qu'est-ce qui se retrouve dans le détecteur de rumeurs? Mais pour le moment, c'est 9 articles où vous allez pouvoir vraiment avoir certains articles qui vont être un petit peu plus pointus que le reste. Sinon, science et culture, eh bien là, c'est vraiment celui qui prône en termes de nombre d'articles. On en retrouve présentement 30 articles qui se retrouvent dans cette catégorie au niveau de la science, au niveau de la culture. Et sinon, bien, il y a toujours des trucs aussi, trucs et astuces, toujours dans la section détecteur de rumeurs. Donc, c'est ça qui est le fun parce que parfois, on nous donne des trucs dans les médias et là, on se demande, c'est vraiment bon ce truc-là? Ça va-tu vraiment changer quelque chose dans ma vie? Eh bien, c'est le fun parce que vous allez retrouver 13 articles pour le moment dans cette catégorie-là où vous allez savoir si finalement vos trucs de grand-mère, c'est vrai ou c'est faux si ça fonctionne. Oui. Donc, si jamais ça vous intéresse de tout simplement vous éduquer de façon scientifique, sachez que c'est quand même assez facile à faire. Ouais. Et comme je vous le disais, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agence Science Presse au Québec, eh bien, ce sont des journalistes scientifiques, comme je le disais. Ce ne sont pas des scientifiques qui ont décidé de faire du journalisme parce que parfois, lorsque les scientifiques vont décider de faire du journalisme, on va mettre de l'avant un produit, on va mettre de l'avant une méthode. On a vraiment quelque chose à promouvoir de cette façon-là. Et le journalisme scientifique, c'est vraiment un gars qui est sorti de l'école de journalisme et qui a décidé de se concentrer sur la science parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est souvent exploitable dans les médias qu'on connaît un peu partout. Malheureusement. C'est comme un professionnel qui est différent. C'est un communicateur scientifique, si vous voulez. Et le communicateur est en général au service d'une institution. C'est là qu'on voit la différence, comme on le dit. On va soit, par exemple, faire des travaux pour une université. On va soit travailler pour une compagnie technologique, une entreprise pharmaceutique ou encore une entreprise d'énergie. Mais là, c'est complètement le contraire. À ce moment là, on est au service de notre média, on est au service de son public, donc on est indépendant des gens qu'on va interviewer, ce qui veut dire que les résultats qu'on va avoir vont peut-être être un petit peu plus justes que si c'était un scientifique qui faisait l'article lui-même. Et si on regarde les petits médias spécialisés, bien on le sait, il y en a de moins en moins. L'agence Science Presse, c'est un des médias en fait qui peut être compté comme un média qui est là, qui est bien établi, qui devrait rester. Il y a plusieurs journalistes, en fait, de plusieurs sphères différentes qui ont tout simplement décidé de collaborer. Et sachez aussi que vous en avez pour des heures et des heures là, à fouiller sur ce site-là. Il y a des balado-diffusions, il y a des blogs, il y a bien évidemment de l'actualité et il y a les détecteurs de rumeurs. Donc, croyez-moi, si jamais vous voulez vous lancer dans la rareté du journalisme scientifique, bien, vous allez être au cœur de beaucoup de malentendus assez fréquents qu'on entend, mais entre médias et chercheurs sur le site de l'agence Science Presse. C'est comme un conjointement, là, quelque chose qui s'est fait. Ça fait en sorte que c'est très divertissant à lire. C'est très le fun. C'est parmi mes nouvelles sources. Là. Je ne connaissais pas ça avant que tu m'en parles il y a quelques mois. J'étais surpris que je ne connaisse pas ça parce que c'est un site parfait. Oui, les articles sont juste de la bonne longueur. C'est merveilleux. J'en prends plein dans mes chroniques. Donc, ceux que tu ne prends pas pour tes chroniques, je les laisse en premier. Mathieu et moi, on fait les mêmes recherches souvent. On a des sources similaires des fois. Exactement. Mais on ne se pile pas ses pieds. Non, on réussit quand même bien. Hein? C'est ça. C'est cool, ça. Merci beaucoup, Tania. Ben, ça fait plaisir. Une autre chronique plus tard? Oui, certainement. Si vous vous rappelez, on va rester dans le domaine de la science, si vous me le permettez, mais un petit peu plus tôt cette année, on avait parlé que peut-être que le printemps viendrait sur le tard cette année, parce qu'on a eu un temps qui était un petit peu plus compliqué en 2017. Je vous explique ce qui va se passer avec le printemps. On surveille ça tout à l'heure, Tania Esgalant-Tutania, mais pour l'instant, une nouvelle entrée de ponctuation. Vous allez me dire, coudonc, les nouvelles entrées le mardi. Ben c'est ouais. pas le lundi d'habitude? Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. La pièce s'appelle Exil, tout de suite à Assemblage requis. Girls avec M.A.H. Mad as Hell. Assemblage requis, on prend une pause au retour de le bloc pub. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 6 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. À cette deuxième heure, qu'on prend entre autres la chronique Voix l'Afrique avec Dominique Nodmavungu qui s'en vient dans une demi-heure environ. Mais avant ça, ça va être le moment de parler de publicité. Ben oui. Donc voici le segment, le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de Le goût rafraîchissant, le goût désaltérant. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute, adore seulement. C'est le bloc pub où on parle de marketing, de publicité, de tout ce qui est là pour vous vendre les choses. Et on commence avec une idée que j'ai trouvée très intelligente et c'est une idée qui nous vient du Canada. Oh, on aime ça! Oui, ça vient de Toronto, c'est par la compagnie Cossette qui a créé une campagne publicitaire sur des panneaux pour McDonald's. Et c'est vraiment très intelligent parce qu'ils utilisent le M de McDonald's qu'on connaît tous pour montrer un peu les sorties à prendre pour aller chez McDonald's. Oh, OK. Par exemple, une pancarte avec un fond rouge et tu vois clairement le milieu du M, donc le genre de petit V que ça fait au milieu. Et là, ça dit « prochaine sortie ». Aha. T'as même pas de McDonald's, t'as rien, c'est seulement marqué prochaine sortie et le milieu du M. L'autre, par exemple, c'est juste la courbe gauche du M et ça dit à votre droite. Oh. Ou à votre gauche, etc. C'est si intelligent. C'est vraiment fort d'utiliser le logo que tout le monde connaît. Tu peux pas savoir que c'est McDonald's. Non, c'est ça. Et t'as même pas besoin de le dire que c'est McDo. Je trouve ça fantastique. Ensuite, toujours sur les panneaux publicitaires, des publicités personnalisées par les amateurs de Mustang. Mmh. Mustang, c'est rien. Qui poursuit la tradition débutée il y a plus de 50 ans en proposant aux amateurs américains de personnaliser son modèle 2018. Ainsi, il peut concevoir et partager sur Facebook des créations à l'image de l'emblème Mustang grâce à l'expérience « Personalize your pony ». Personnaliser votre pony. Ces créations peuvent prendre part à la campagne nationale de Ford Mustang. Les amateurs peuvent aussi les commander pour des impressions, des vêtements et même un emblème pour la calandre de leur véhicule. Chaque ensemble de styles comprend une série de palettes de couleurs représentatives de la marque et tu vois sur des panneaux publicitaires, par exemple, celle-là a été fabriquée par Jimmy de Détroit dans le Michigan. Et donc, le logo est propre à ce Jimmy-là. Mm-hmm. Et sa Mustang est aussi propre à lui, hein. Donc, make it personal est le slogan. Rendez ça personnel, si on veut. Les vedettes de compétition haute performance que sont Ken Block et Von Gitten Jr. Oui. Ainsi que la célébrité YouTube David That Dude in Blue Patterson participent aussi à l'expérience et créent leurs propres emblèmes Mustang. Écoute, je pourrais pas te dire c'est qui le YouTuber, mais les deux autres sont venus du côté de Trois-Rivières pour le Grand Prix de Trois-Rivières il y a deux années de suite. OK. Et je sais à quel point ça peut être incroyable dans une voiture. Hein? Une Mustang, surtout. Oui. Parlant de voitures, tiens, en général, les annonces sur Google peuvent annoncer des voitures. Ben oui. Google utilise l'intelligence artificielle pour placer ses annonces. Donc, on sélectionne les meilleurs emplacements publicitaires et on choisit le type et le nombre de publicités, mais tout seul avec intelligence artificielle. Google donc introduit l'apprentissage par machine pour ses annonces AdSense, les annonces AdSense Auto Ads. Ah ben c'est pour ça que j'ai mis ça à côté des voitures. Utilise la technologie d'intelligence artificielle pour décider du placement et optimiser la monétisation des sites des éditeurs. AdSense Auto Ads ne diffuse les annonces que lorsqu'elles sont susceptibles de bien fonctionner et d'offrir une bonne expérience utilisateur. Ces annonces automatiques identifient les espaces publicitaires disponibles pour placer de nouvelles annonces. Selon TechCrunch, le service AdSense Auto Ads a été déployé déployé discrètement dans une bêta limitée en avril 2017. Google a déclaré aux médias américains que les éditeurs participant à la version bêta ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 10% en moyenne, avec des augmentations de revenus allant de 5 à 15%. Toutefois, des retours de certains bêta-testeurs indiquaient un encombrement des pages en publicité. Mais bon, hein, faut commencer par le commencement. Ben oui. Avec ça, c'est nouveau. On vient à la Saint-Valentin un petit peu, ça commence à dater quand même, la Saint-Valentin, mais as-tu vu la campagne de Valentine? Non. Qui offrait des fleurs en papier à faire soi-même pour la Saint-Valentin. Ah non, j'ai pas vu ça. C'est cute, hein, les restaurants Valentine qui suggéraient à leurs clients de confectionner une rose à l'aide d'une serviette de table. Le mode d'emploi qui était expliqué en affiche dans le réseau Newad ainsi que sur Facebook. C'est une campagne signée LG2. Assez cute, c'était des petits distributeurs de serviettes de papier. Et les instructions étaient à côté pour te dire comment plier ça en fleurs, j'aime ça. Ensuite, Diesel, qui a implanté un magasin éphémère d'imitation, donc de faux Diesel. Fou okay. Quand même. Donc, le magasin éphémère proposait des vêtements avec le logo D-E-I-S-E-L au lieu de D-I-E-S-E-L. On se comprend la faute entre le E et le I. Dans un cadre conforme à la rue Canal Street de New York, célèbre pour la vente de biens de contrefaçon. Donc, affiche de jeans 2-pour-1 et boîte remplie de chandails encore emballés. L'initiative s'inscrit dans le positionnement de Diesel qui mise sur l'acceptation des imperfections. Il s'agit d'ailleurs d'un prolongement de sa campagne publicitaire de septembre 2017. Elle vise le problème de la contrefaçon en croissance dans le monde. On dit que l'Organisation de coopération et de développement économique évaluait à 461 milliards de dollars US la valeur des biens de contrefaçon vendus sur la planète en 2013, ce qui représentait 2,5% des importations mondiales. La collection comprenait que 1000 articles... Et ça s'est vite écoulé après l'annonce que le magasin était vraiment authentique, donc que c'était vraiment des vêtements Diesel. On faisait passer ça pour des faux, tu comprends? Mm-hmm. Le directeur du marketing de Diesel, Dario Gargiulo, a noté qu'un faux coton ouaté Diesel avec le EI inversé, vendu au détail à 60$ dans le magasin provisoire, était revendu ensuite 500$ dans un vrai Diesel. Une offensive qui montre que Diesel peut atteindre une nouvelle génération de consommateurs avides de produits exclusifs et d'expériences différentes, disent-ils. Donc voilà, pour ça, Diesel, quand même une idée folle de faire semblant d'être un fake. Ensuite, un tournoi de poker où la reine et le roi ont la même valeur. C'est encore un concept de LG2. C'est le 8 mars prochain, donc on parle de jeudi cette semaine, qui est la journée internationale des femmes ou de la femme, ou peu importe. Le regroupement Femmes en Créa, donc créativité, convie l'industrie publicitaire à un tournoi d'équité poker. Et pour l'occasion, LG2 a conçu une version du poker où la reine et le roi partagent la même carte. Okay. La toute première initiative de Femmes en Créa a pour but de réunir autour de plusieurs tables les acteurs de l'industrie pour réfléchir sur la place des femmes dans les postes importants, en particulier en création. L'événement sera donc le 8 mars au 8 rue Queen à Montréal. Tu comprends le jeu de mots Queen, Reine. Mm-hmm. Ça se passe à 19h. Ils souhaitent mettre en lumière la présence des préjugés inconscients partout autour de nous qu'on perpétue hommes comme femmes sans le réaliser. Et cela a un impact direct sur la façon dont les agences sont structurées. J'adore cette façon-là de changer peut-être le monde tranquillement pas vite. On va sur Facebook maintenant, des envois postaux pour contrer l'ingérence. OK. Facebook se tournera bientôt vers une technologie vieille de plusieurs siècles pour tenter d'empêcher l'ingérence étrangère dans les élections américaines. On parle du réseau postal, la malle. La directrice des politiques mondiales et des relations avec les gouvernements, oui, de Facebook, Katie Arbuth, affirme avoir été stupéfaite en 2016 que des agents russes aient été capables d'acheter des publicités visant à influencer la campagne présidentielle américaine. C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une rencontre de la National Association of Secretaries of State tenue à Washington. Et elle a dit que l'entreprise enverrait des cartes postales aux possibles acheteurs de publicité politique pour confirmer qu'ils résident bien aux États-Unis. Ah! Le destinataire devra alors taper un code sur le réseau social pour conclure l'achat publicitaire. Cette méthode s'appliquera d'abord aux publicités qui présentent des candidats en prévision des élections de mi-mandat en novembre prochain. Le plan a été dévoilé au lendemain du dépôt d'accusation par le procureur spécial Robert Mueller contre 13 ressortissants russes pour avoir interféré dans la présidence américaine. L'acte d'accusation décrit de quelle façon les agents russes ont volé des numéros d'assurance sociale et d'autres informations appartenant à de véritables Américains pour créer des comptes de banque et sur le service PayPal afin d'acheter des publicités en ligne. Ces agents auraient également recruté des Américains pour accomplir diverses tâches, comme brandir des pancartes lors de rassemblements organisés en vue de créer du contenu destiné à des publications mises sur pied par ces Russes sur les médias sociaux, donc de créer des mèmes. Des cartes postales contre les mèmes. Est-ce que tu connais l'émission de science-fiction Westworld? Ça me dit quelque chose, mais je l'ai jamais écouté. Ben, si tu veux pouvoir vivre l'expérience Westworld, tu vas pouvoir le faire si tu vas au South by Southwest. OK. HBO et Giant Spoon la compagnie Giant Spoon construise un parc thématique sur 2 acres de terrain quand même. Donc les gens qui vont se présenter au South by Southwest vont pouvoir vivre l'expérience de Westworld parce qu'ils construisent une expérience immersive pour promouvoir la 2e saison de l'émission qui commence le 22 avril. Donc du 9 au 11 mars, les gens qui vont chez South by Southwest vont pouvoir voir ce que c'est d'être dans la ville de Westworld. Donc c'est des expériences au New York qui avaient déjà été créées au New York Comic Con et au San Diego Comic Con. Mais maintenant, ça va être à plus grande échelle. La compagnie va recréer des éléments et des géolocalisations iconiques de l'émission comme le Coronado et le Mariposa Saloon. Ce genre d'émission de science-fiction western un peu, c'est particulier, c'est difficile à décrire, même que je n'ai aucune idée comment le décrire. Bref, le parc va aussi avoir des acteurs qui vont accueillir les gens. Ils vont jouer une variété de scénarios. Donc par rapport à l'émission, évidemment, il faut avoir vu la saison 1 pour comprendre, ouais, évidemment, j'imagine. Évidemment. Donc c'est au South by Southwest, vous pouvez aller voir le site discoverwestworld.com. Ensuite, un compte Instagram qui nous montre comment est la vie en tant que skieur paralympique handicapé visuellement. Oh! Ça fait partie de la campagne de Toyota Start Your Impossible. Tu sais que les Paralympiques s'en viennent dans les prochains jours. Donc, tu t'es peut-être déjà demandé de quoi ça aurait l'air d'être un athlète olympique qui a un handicap de la vue. Oui, hein, assez, oui. Un problème de vision. Hein, parce que tu roules quand même, ben, tu roules pas, tu dévales les pentes à 60 000 à l'heure. Hein, et quand tu as seulement 3% de ta vision, ça peut être un petit peu dangereux. En effet. Hein? Mina Fitzpatrick, qui a 18 ans, elle est donc handicapée visuellement. Elle est skieuse alpine, je sais pas comment on accorde ça, mais bon, c'est ce qu'elle vit quand elle descend la montagne. Et maintenant, grâce à un compte Instagram qui s'appelle See Like Mena, donc See comme voir, là, comme Mena, M-E-N-N-A, ça vient de Toyota, ce compte-là. Okay. Et les fans peuvent vraiment voir ce que c'est de s'entraîner pour les Paralympiques. Oh. Ils ont travaillé avec la compagnie, l'agence publicitaire Saatchi & Saatchi, ainsi que Dentsu et Archer's Mark sur ce projet-là. C'est un filtre de vision 3% qui donne aux gens l'impression donc, d'avoir la vision 3%. C'est vraiment le fun d'aller voir. 3%, il reste quand même les formes, les couleurs, mais pas grand-chose de plus. Plusieurs vidéos, plusieurs photos aussi donc de la part de cette fille, cette femme-là. Voilà. Comme je dis, ça fait partie de la campagne Start Your Impossible de Toyota, qui a eu plusieurs publicités pendant le Super Bowl, entre autres. Ouais. 7 nouvelles publicités qui ont été diffusées pendant les Olympiques aussi. Il y a aussi une expérience vidéo 360 degrés, un paquet de trucs comme ça. Donc, allez voir ça dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, justement, parlant des Olympiques, qui sont terminés depuis quand même un bon petit moment, mais Comcast qui a réussi à mettre des extraits vidéo de la performance qui a gagné une médaille d'or historique à Jesse Higgins dans sa publicité des Olympiques qui a été diffusée le même jour. Ah! C'est grâce à la compagnie, l'agence créative 72 and Sunny New York. Donc, Jesse Higgins qui a créé l'histoire à Pyeongchang en gagnant la médaille d'or, la première médaille d'or en ski cross-country pour les États-Unis. C'est ça? Hein? Mm-hmm. Donc, elle est venue de derrière pour réussir à gagner ça de façon tout à fait épique, nous dit-on. Et les fans qui regardaient le déroulement de cette épreuve-là ont été surpris de voir une publicité pour Comcast, la compagnie parent de NBC, qui montrait Higgins avec, justement, le fait qu'elle avait gagné l'or immédiatement après que ça a été diffusé, la victoire. Donc, ils ont profité du timing pour le faire. Ils ont travaillé très, très fort, disent-ils. Ils expliquent le processus, étant donné la différence temporelle entre la Corée et les États-Unis. Ils savaient donc que Jesse avait gagné l'or le matin de la course parce que ça avait été diffusé sur NBC. Et ils ont pu en prime time en profiter pour créer la publicité et rediffuser la compétition en soir en période de grande écoute. Voilà. Donc ils ont tout de suite entré en action pour capturer la vidéo, mettre ça dans la publicité et rendre ça vraiment le fun. Ensuite, au Royaume-Uni, tu as sûrement entendu dans les dernières semaines qu'il y avait un problème de manque de poulet chez PFK. Oui. Ouais, ben c'est ça. Et apparemment que PFK s'est excusé avec un joli petit fuck we're sorry, mais avec un fuck comme dans FCK. Oh non! Comme dans PFK, ouais. KFC en anglais, FCK si tu mélanges les lettres, et ça fait fuck. Wow. Et ils ont pu faire parler d'eux. Hein? Donc une petite twist dans le Royaume-Uni comme ça, le manque de poulet à cause de problèmes opérationnels avec leur fournisseur, leur livreur DHL. Ça n'a jamais été mes préférés, Ouais, non, pas vraiment. Bref, ça a forcé 900 restaurants à fermer au Royaume-Uni. Certains ont rouvert, mais avec un menu limité et des heures d'ouverture un petit peu plus serrées. Les fans déçus de la chaîne étaient très enfurés sur les réseaux sociaux. Ils ont même commencé à appeler la police, je vous jure. Sérieux? Que la police à Londres et à Manchester a dû rappeler aux fans de PFK que c'est pas une question policière, cette crise du PFK, ou comme on l'appelait sur Twitter, KFC Crisis. Tu sais, quand tu parles d'une crise, là, c'est vraiment majeur de manquer de poulet, là. On s'entend. Hein? PFK qui a même créé un site web qui est kfc.co.uk et là, il y a la section Cross the Road qui nous dit où est situé le plus proche restaurant PFK qui a du poulet. Mais évidemment, tout ça, c'est terminé. La BBC qui dit que les restaurants PFK sont déjà rouverts depuis. Ensuite, on passe de chez PFK à McDonald's. Ah oui! McDonald's, tu sais, qui ramène leur sauce Szechuan dont on parlait il y a quelques mois. Je savais pas qu'elle ramenait. Ouais, je te jure. Mais c'est pas de ça que je parle. En fait, c'est un petit peu de ça que je parle, mais par la bande, parce que ça, c'est une nouvelle qui a quand même fait le tour. Mais McDonald's lance une balado-diffusion, un podcast façon Serial. Tu sais, Serial, c'est un podcast très populaire aux États-Unis de crime. Bref, ils lancent un podcast racontant leur côté, leur bord de l'histoire de la sauce Szechuan. Oh mon Dieu! C'est cool, on essaie d'être transparent par rapport à au retour de la sauce Szechuan grâce à la série Rick and Morty qui commence à la Télétoon, je crois, bientôt en français. Donc on va avoir la controverse de la sauce Szechuan dans 4 ans, sûrement au Québec, quelque chose genre. On est tellement lent. Mais bref, la sauce Szechuan qui est de retour chez McDonald's avec 20 millions d'emballages de petits casseaux, là, de petits, comment on appelle ça, de petits bacs à trempettes, là, disponibles chez McDonald's aux États-Unis. Et puis la compagnie a sorti un podcast en 3 épisodes nommé The Sauce qui détaille ce qui s'est passé en octobre dernier lorsqu'ils ont essayé de ramener la sauce et que ça a fait fureur et qu'il n'y en avait plus après quelques instants seulement. Donc McDonald's qui a travaillé avec Studio at Gizmodo et Onion Labs sur le podcast et ça s'est rendu dans le top 100. Ils ont fait un pic au numéro 94 en moins de 24 heures après la sortie. Hey, okay, selon quand même. Un représentant de la marque. Donc, allez voir le processus de comment ça a fonctionné, tout ça, sur assemblagerequis.com, évidemment. Évidemment. Parce que sinon, t'irais yous. Et c'est une bonne question. C'est ça. On a plein d'autres choses à dire dans ce bloc du bloc pub. Continuons avec Gap, qui se fait encourager sur Internet grâce à une publicité d'allaitement. Oui. C'est devenu un classique instantané. L'as-tu vu, ça? Oui, je l'ai vu. Moi, je ne l'avais pas vu encore. Donc, parlons-en, Colin. Plusieurs marques ont essayé de faire des choses comme ça avec de l'allaitement. Mais là, ici, ça a fonctionné. Une publicité pour Gap qui a été postée récemment sur l'Instagram de la marque faisant la promotion d'une nouvelle ligne de vêtements qui s'appelle Love by Gap Body. Et donc, c'est un hommage, si on veut, à la simplicité de l'allaitement parce que c'est rien de plus qu'une femme en train d'allaiter son enfant avec son sein qu'on voit de côté. On voit pas le nipple, par contre, parce que tu sais que sur Internet, les nipples, ça se fait censurer. Hein? Fait qu'on voit pas le mamelon. Mm-hmm. Donc, tout est correct. Hein? La photo est très bien prise, très artistique, et ça a fonctionné. Colin Gap qui a sorti un communiqué de presse. En disant que le marketing autour de Love by Gap Body était d'encourager, le principe était d'encourager les femmes d'être la femme qu'elles veulent. Okay. Que ce soit en tant qu'ami, partenaire, femme, mère ou une voix dans la société d'aujourd'hui. Hmm. Hein? On utilise aussi le hashtag sur Twitter Normalize Breastfeeding pour essayer justement de normaliser la chose pour qu'on arrête de tout le temps être offusqué. Aussitôt qu'on voit une femme allaiter, y a-t-il quelque chose de plus naturel que ça? Je pense pas. Je penserais pas, moi. Donc hashtag Normalize Breastfeeding. Ensuite, c'est une boisson gazeuse écossaise qui s'appelle Urn Brew. On connaît tous le fameux Urn Brew. Absolument pas. qui s'excuse justement par rapport aux femmes parce qu'elles ont appelé les femmes des cans, comme dans C-A-N apostrophe T, comme dans ne peuvent pas le faire. Et évidemment, leur excuse, c'est on voulait pas offusquer personne. Mais non. Voyons. Évidemment. Donc, c'est une marque de boissons gazeuses connue en Écosse qui s'appelle Urn Brew qui est de retour avec une nouvelle campagne publicitaire. Et la réponse des gens n'est pas vraiment celle qu'ils auraient aimée. Hein? Ah ouais? Deux nouvelles publicités créées par l'agence de marketing écossaise Leith mettent en vedette deux hommes qui disent aux femmes de ne pas être des ne peut pas. Donc, des don't be a can't. C'est la traduire en français quand même. Des don't be a can't. C'est un jeu de mots avec cunt, comme dans une conne. Hein? En anglais, on va dire cunt, C-U-N-T. Donc, don't be a cunt, avec l'accent écossais, ça sonne comme cunt, mais c'est can't. Ouais. C'est cunt, mais c'est cunt. T'sais, on se comprend. Difficile quand même. Mais bref, les femmes se font dire qu'elles ont besoin d'une canne, comme dans une canette, comme de boisson gazeuse. Oui. Donc, don't be a cunt, you need a can. Wow. Hein? Et là, elles se font offrir une urn brew. C'est dégueulasse comme, ouais, comme c'est, façon de faire. C'est, écoute, comme c'est tellement déplacé, mais bon. Vous pouvez aller voir. C'est discutable, mettons, comme méthode. Ben, discutable comme dans genre, on n'en discutera pas parce que c'est pas correct. Écoutons-la, la pub. Voilà. Ah ouais, on l'écoute en plus. Ah ouais, pourquoi pas. C'est donc deux couples qui sont assis, des jeunes et des plus vieux. When are you gonna marry my daughter? Et quand est-ce que tu vas marier ma femme? I don't like him. Can we go? Je l'aime pas et on peut s'en aller. Dave, voyons donc. I can't right now. On peut pas partir. Don't be a cant. Don't be a cant. You need a can. T'as besoin d'une canne, d'une canette. Et là, il sort sa boisson gazeuse. Elle boit la boisson gazeuse. Et puis là, ben, ils sont rendus dans un bar, là. Et là, ils croisent les parents. Ils croisent les parents qu'ils avaient vus tantôt, genre, qui étaient stricts. Tu comprends? Ils étaient stricts. Les parents, là, sont rendus lousses, là, tu sais, sont... Hey, l'acting, ouais, en okay, plus, c'est très mauvais. Je comprends un peu ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est vraiment pas la meilleure façon. C'est ça, vraiment pas. C'est l'idée d'un jeune couple qui rencontre les parents de... Ouais, c'est ça. En tout cas, ensuite, allons-y avec, tu sais, Johnny Walker qui va se transformer en Jane Walker. As-tu vu ça? Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Un peu comme PFK qui a annoncé sa nouvelle colonel qui est Reba McEntire. T'as ouais, vu ouais, la dernière ça, semaine. Passé. Ça, on n'a pas parlé parce que tout le monde en a parlé. Hein, bien content. Mais justement, Johnny Walker fait un petit peu la même chose avec Jane Walker. C'est une campagne qui soutient l'égalité des genres. Ah ouais! Donc, ça va commencer pendant le mois de l'histoire des femmes, ce qui est en ce moment, c'est le mois de mars. Mm-hmm. Donc, Jane Walker by Johnny Walker. Et le slogan est « Keep walking, America ». Donc, continuez de marcher, l'Amérique. Et Johnny Walker, habituellement, le slogan était aussi « Keep walking ». Donc, mm-hmm. À la place d'avoir un homme avec son chapeau haute forme et sa canne, ben, ce sera une femme. J'aime ça. Le reste de l'habit est pas mal le même. À part les cheveux, il n'y a pas grande différence. Pas vraiment, non, mais c'est correct non plus parce que, tu sais, veux pas, une femme aurait pu s'habiller n'importe comment. Là, tout à fait d'accord. Je veux dire, l'idée d'avoir une silhouette qui est beaucoup plus féminine, ça, par contre, j'aime bien l'idée. Oui, c'est vraiment aussi. Cool. C'est donc la Jane Walker Edition qui débute en mars pour coïncider avec le mois de l'histoire des femmes et la journée internationale des femmes aussi, ou de la femme. Là. Je me rappelle pas lequel qui est supposé être correct. Je me souviens plus. On sépare les choses en quatre avec ça, ouais, mais bon, il y a une raison derrière ça. Fait que exactement. Je vais utiliser le bon, mais je sais pas c'est lequel. Bref, donc allez voir ça, c'est Jane Walker. Ensuite de ça, continuons avec Tinder qui démarre une campagne pour amener des émojis de couples interraciaux. As-tu vu ça? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Tinder et Alexis Ohanian de chez Reddit qui encouragent donc l'effort des emojis qui pourraient représenter des couples multiculturels. Donc Tinder a amené récemment une campagne parlant de ces emojis-là qui montreraient des couples de différentes races ou ethnicités. La campagne met en vedette une vidéo, un site web, une pétition. Ils ont écrit ça sur leur blog en disant que les emojis pour les gens de couleur et les emojis de couples de même sexe, de même genre, sont devenus réalité en 2015, mais un groupe de gens est toujours exclu. Et mm-hmm. C'est les couples interraciaux. Donc, ils disent, n'est-ce pas le moment que tout le monde soit représenté? Non, mais tu sais, si sérieusement, de nos jours, les émojis qui s'en viennent bientôt, c'est les roues. Oui, oui, oui, j'ai hâte de les avoir, celui-là. Une minorité comme très, très minime, tu sais. Donc, les roues ont leur émoji avant les couples interraciaux. Tu sais, je pense que là, à un moment donné, il faut laisser tout le monde avoir son émoji. Puis, ouais. Ça coûte cher à produire, mais c'est comme ça. Les emojis qui sont standardisés, bien sûr, sur plusieurs propriétés numériques, dont Google, Apple, Microsoft, Twitter, Tinder et Facebook, par un consortium nommé Unicode. Et en 2015, ils ont amené les emojis qui représentaient les races différentes, en plus des emojis blancs, parce que par défaut, c'est jaune, les emojis. Mm-hmm. Si tu choisis pas toi-même le blanc, tu seras jamais blanc mm-hmm. sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, Hornback a fabriqué une chaise très fancy que t'as pas juste à assembler, mais tu dois la construire toi-même. Oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est une marque de do-it-yourself européenne donc, qui a créé avec Sigurd Larsen, c'est un architecte et designer, la Worstock Edition Lounge Chair. OK. Donc, c'est une chaise scandinave de bois, mm-hmm. hein, très classe quand même. Et la trappe, c'est que tu peux pas vraiment l'acheter, tu dois la fabriquer toi-même. Ben là, faut que t'achètes tout de façon individuelle, oui, mettons? Parce okay. qu'on parle pas de Clay Allen. Non, on non, non. On parle non. à la main. Oui. Avec la sueur de ton front. Ça a l'air tressé pas mal. Et genre. Même en sciant les morceaux de bois toi-même. Eh hey boy! Je te jure. Donc, avec la Worstock Edition, ils voulaient montrer que c'est possible de faire des choses que tu ne crois pas être capable de faire. Hein? J'espère pour vous que le manuel d'instruction vient avec. Et j'espère que c'est pas juste des petits dessins comme chez Ikea. Eh hey hein? boy! On dit que c'est pas un projet très, très simple, mais Hornback a confiance en ses clients et veut leur donner la force et la capacité de le faire. Donc, ça a été créé avec l'agence Hemat et on a imprimé le Builder's Book pour la chaise. C'est disponible pour $22 environ US. Et on peut télécharger aussi les instructions sur un site dédié qui est worstock-edition.com. Je vous laisse aller chercher ça sur assemblagerequis.com. Mais la chaise est vraiment belle. C'est une très belle chaise, effectivement. Si tu la découpes comme t'es supposé. Ouais, c'est ça. Si tu réussis à la monter comme c'est censé être monté, je pense que tu peux te ramasser avec une super belle chaise. C'est ça. Il y a un petit documentaire, d'ailleurs, sur cette chaise-là, de 4 minutes, le Hornback Worstock Edition 001 Lounge Chair par Sigurd Larsson, The Documentary, disponible sur assemblagerequis.com. As-tu vu que Ryan Reynolds ouais. Et maintenant avec un gin? Non, je savais pas ça. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ryan Reynolds a sorti un gin. Ben oui, il va être la face, en fait. Il faut que je mette la main sur le gin. Sur le gin, excuse-moi, une chance que t'as fini ta phrase. Ouais, j'allais pas dire le gars, là. Ryan Reynolds, donc... Attends, hein? Blake Lively, c'est ça. Ouais, pas touche, hein? Pas touche. Et la plus récente vedette, donc, a embarqué dans le business de l'alcool. La vedette de Deadpool a acheté une part d'intérêt dans cette compagnie qui est basée à Portland, en Oregon. C'est Aviation Gin. Il va être donc le visage de la marque et va participer au processus créatif pour Aviation, dont leur campagne de marketing et leur stratégie de marketing. J'imagine, ouais. évidemment que ça va faire que ça va devenir plus populaire que c'était, Aviation. Donc, ils vont devoir s'attendre à produire pas mal plus de gin qu'avant. C'est sûr. Avec Ryan Reynolds. Apparemment que Aviation Gin, s'est fait d'un mélange botanique unique qui différencie la marque des autres gins. Ouh! Il a même son, ici, au Québec, à la SAQ, par exemple. Je vais aller voir. Tu peux écrire à Ryan Reynolds. Ah ouais? T'es-tu sérieux? C'est Ryan, à commercial, aviationgin.com. Ah ouais? C'est leur contact de presse. Oh my God! Apparemment. Je vais faire ça. Tu me diras si tu trouves le gin en passant. Je suis en train de chercher présentement. Et non, nous n'avons aucun gin Aviation. Un ici. Jour peut-être. Je vais rechercher c'est Aviation. Très rapidement, il nous en reste deux dernières. Une publicité en deux pages dans le New York Times qui parle contre les membres du Congrès qui sont encouragés par la NRA, la National Rifle Association. Tu sais que les policiers reçoivent beaucoup d'argent de la part de cette association de pro-fusil. Donc ça vient de Every Town and Moms Demand Action. Ils ont acheté une publicité en deux pages dans le New York Times avec simplement des enfants qui se tiennent un peu comme un train dans une soirée en fait, antipartée. Mais c'est ça. Ils se tiennent comme un train. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on doit faire lorsqu'on quitte l'école quand il y a un tireur apparemment. Mais c'est pas une vraie photo de ce qui est arrivé à Parkland. C'est une vraie photo de ce qui s'est passé. Exactement. Okay. Ouais. Oui. Et par-dessus la phrase « We're children, you guys are the adults, get something done ». Donc, nous sommes des enfants, vous êtes les adultes, faites donc quelque chose. Et là, c'est signé Parkland School Shooting Survivor, donc survivant de la fusillade de l'école de Parkland. Mm-hmm. Vraiment, c'est très, très efficace comme publicité. C'est Every Town for Gun Safety et Moms Demand Action for Gun Sense in America qui ont pris cette publicité-là de deux pages dans le New York Times pour demander aux membres du Congrès qui ont accepté des dons de la NRA de peut-être faire quelque chose. C'est excellent, fait comme publicité, juste comme des frissons. Oui, hein, c'est quelque chose. Et voilà, on va terminer ça là-dessus. Oui. J'avais dit qu'il y en avait deux, mais l'autre, je trouve que cela finissait mieux. D'accord. Ouais, ça finit mieux. C'est ça. Le bloc pub, voilà, qui termine ça. On prend une pause. Au retour, ça va être le moment de faire la chronique Voix d'Afrique. Oui. Avec Dominique Notmavungu et un invité spécial. Ouh, bien hâte. retrouve avec une couleur néfaste à Assemblage Rocky. Non, on s'en va pas nulle part parce qu'on a un invité, en fait plusieurs invités, le studio est rempli en ce moment. C'est Voix d'Afrique avec Dominique Notmavungu. Dominique Notmavungu qui est avec nous pour Voix d'Afrique chaque semaine. On parle de plein de nouvelles, plein de domaines, culture des fois, hein? Ben sport, oui, ça arrive, sport. Musique, personnalité, Instagram. Yep. C'est ça. Salut Dominique. Ça, Tania. Ça va bien? Mais oui, ça va bien, oui. Vous? Absolument, ça va très bien. De quoi est-ce qu'on parle pour commencer? Ben aujourd'hui, on va déjà commencer par... on a déjà plusieurs sujets déjà. On va commencer par la culture. Donc un peu par rapport à une œuvre d'art qui s'appelle une œuvre d'art nigériane qui s'appelle Toutou. Elle a été vendue 1 205 000 euros, soit 4 fois plus que son estimation qui était de 300 000 euros en fait. Okay. Donc l'œuvre elle est surnommée la Mona Lisa africaine et elle a été peinte par Ben Enwonwu. C'est un peintre moderniste nigérian. Et il a été considéré un peu comme le père un peu de ce courant-là de peinture au Nigeria. Et la peinture, elle avait disparu depuis plusieurs années, jusqu'à ce qu'on la retrouve qu'elle soit retrouvée en décembre 2017 dans un appartement à Londres. Oh, wow, ok. Et donc, malaise. Et on sait ce que ça donne quand quelqu'un perd son toutou. Oui, hein? Oui, c'est ça. Ou sa doudou, ça dépend. C'est pas eux, quoi? T'as jamais perdu ton toutou? Oui, Mathieu. Non, c'est pas... je pense pas que ce soit du même toutou dont on parle. Exactement. Ok. Mais voilà, c'était... Moi, en tout cas, l'œuvre en elle-même, je l'ai regardée, puis je l'ai trouvée... j'ai trouvé en tout cas belle. Après, c'est sûr que sur les images, on peut pas vraiment... c'est pas pareil qu'en vrai. Ouais, c'est pas en trois dimensions. Mais décris-nous un petit peu ce que t'en as pensé. Ça a l'air de quoi, visuellement? Tu dis la Mona Lisa? Visuellement, en fait, ça représente déjà... ça représente une femme. Et en fait, ce tableau-là, il est extrait d'une série de trois pièces, en fait. Donc c'était une collection de trois qu'il a représenté, trois princesses en fait. Et ce tableau-là représente un peu, c'est devenu un symbole de la réconciliation nigériane après la guerre du Biafra en fait qui a divisé le pays il y a plusieurs années. Mmh. Et c'était comme un peu, c'est un symbole à lui tout seul. Moi je regarde le tableau et puis j'ai bien aimé déjà les couleurs, comment c'était fait. Beaucoup de marron, beaucoup de... Les traits sont vraiment fins, c'est pas vraiment du cubisme ou quoi, mais c'est vraiment... il essaie de peindre une personne. Après, je sais pas s'il s'est inspiré, mettons, d'un vrai modèle et autres, mais c'était vraiment très réaliste et puis ça a été très bien réalisé. C'est par quel artiste déjà? Il s'appelle Ben Enwonwu, donc c'est E-N-W-O-N-W-U, c'est son nom de famille. Et l'œuvre Toutou. Ouais, il love Toutou en fait. Comme ça se dit en fait. Et moi je sais pas si ici autour de notre plateau on a des fans un peu d'art. Est-ce que toi t'aimes un peu, t'as-tu un tableau en particulier? Je connais vraiment pas l'art du tout. Je suis capable d'apprécier visuellement l'art, mais je te dirais pas que je vais me procurer de l'art. J'ai même pas de décoration chez nous, j'ai même pas de poster chez nous. Pour vrai? Je suis vraiment plate dans. T'as rien sur tes murs? J'ai du tape vert encore sur mes murs. T'es vraiment plate? Ouais, je sais, c'est ça. Disons que la décoration, c'est pas ma priorité jusqu'à maintenant. Ah, ok, c'est correct. C'est triste. Toi? Ouais, quand même. Ouais, ok. Ben, j'ai de la décoration chez nous, là, qu'est-ce que je te dis? Tu me parles d'art, là. Ah. Je t'ai renvoyé la balle. Ben, quand j'étais jeune, je trippais vraiment sur Van Gogh, mais. Oh, wow. Ouais. Fancy. Et on va demander à notre invité. Notre invité, surprise qu'on va mentionner tantôt, mais là, pour l'instant, il peut répondre à la question. Laissez planer le mystère de qui il est. Ouais, moi j'aime ça, l'art. Je te dirais, j'ai pas particulièrement un tableau en tête comme ça. J'ai déjà vu la Mona Lisa en vrai. Oh boy, tu gagnes. Hey, on a un gagnant. Ta-ta-ta. Bravo. Ouais, mais non, pas particulièrement. C'est toi qui as volé Toutou de monsieur. Ouais, c'est ça, exactement. Je voulais pas le dire comme ça, mais. Maintenant que c'est dit. C'est ça. On n'a pas besoin de le présenter finalement parce que la police va s'en venir. Donc, en tout cas. Ensuite, on va passer, on va laisser un peu Toutou, Toutou tranquille. Toutou dans son coffre à jouets, hein, comme on appelle. Et on va parler un peu... Tania est désespérée, je pense. Ok, bon sang, matin. Parle un peu d'événements, en fait. Oui. D'événements qui sont viennes, d'événements qui sont passés et tout. Donc, on part déjà en Côte d'Ivoire pour les Adicoms Day. En fait, c'est un événement en fait, qui réunit à peu près chaque année près de 400 acteurs clés de la communication digitale africaine. Et puis, cette année, il s'agissait de la deuxième édition. Et elle s'est tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis, elle regroupe, en fait, des acteurs de la communication digitale, c'est des YouTubers, c'est des influenceurs web, c'est des Viners, des vidéastes. Toutes les personnes qui, en tout cas, au cours de 2017 à 2018, qui sont distinguées dans ce domaine-là, en fait, dans la communication digitale, par leur nombre de followers, par leur activité déjà sur les réseaux sociaux et les mouvements qu'ils créaient, en fait, à chacune peut-être de leurs sorties vidéo ou bien à chacune de chacun de leurs posts, comme par exemple, tu sais, des influenceurs Twitter et tout. On peut citer peut-être une Ivoirienne, Edith Brou, qui, elle, à chaque... fait partie des influenceurs les plus suivis et tout. Okay. Et puis, il y avait cette année, ça se tenait à Abidjan, comme je le disais. Et puis, il y avait d'autres invités comme Willem. Willem, j'avais déjà parlé de lui il y a quelques émissions précédentes. Et je disais que c'était comme un YouTuber. Bon, en fait, il fait plus de vidéos sur Facebook. Et ses vidéos faisaient des millions de vues sur Facebook en 10 minutes, 20 minutes. Ah, oui. Donc, c'est vraiment un phénomène de la toile et tout. Et puis d'autres aussi d'Instagram comme Loza Maliombo. Et j'avais déjà parlé de son profil auparavant. Elle était plus... c'est une artiste en fait. Elle était dans la mode et puis aussi dans l'art. De manière générale, son Instagram c'était beaucoup ça, beaucoup de culture. Et puis c'est principalement basé sur peut-être des masques africains, des photos vraiment d'époque qui dataient et tout. Moi j'ai vraiment bien aimé ça. Et donc c'était ça les Adicoms Days. Donc, je sais pas si peut-être ici, il y a ce genre d'événement, en fait, qui réunit... Il me semble qu'il y avait quelque chose par rapport aux YouTubers, Tania. Il me semble, on n'avait pas parlé de quelque chose qui avait pas un gala où les YouTubers étaient au Québec récemment. Il y avait... Oh, mon Dieu! Il me semble que tu m'as parlé de ça. Moi, je t'ai parlé de ça? Je pense que oui. Non? Pas sûr, moi. Et on dirait que les YouTubers québécois ont tendance à s'incruster dans le star system officiel à la place d'avoir leur propre petit... Tu sais, on voit des personnalités YouTube à des galas, des vrais galas. Oui. Pourquoi Pierre-Luc Truc Patente? Comment il s'appelle? Pierre-Luc Funk? Non, le YouTuber. Ah, gosse, hein? ouais, Pierre Cloutier. tu vois, tout le monde comprend, hein? J'ai pas besoin de l'expliquer longtemps. Oui, qu'est-ce je sais. Qu'est-ce dans les vrais gars-là, lui? Je suis d'accord. J'ai reçu le commentaire « C'est qui, ça? » qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Si tu veux. T'es un YouTuber. Mais renseigne-toi, c'est ça. C'est ça, exactement. Je trippe pas sur les YouTubers tant que ça. Moi non. J'aime pas leur façon de faire. J'aime le fait que tu peux faire des capsules sur YouTube, j'ai aucun problème. Mais c'est le YouTuber commun qui vlogue sa vie. Là. Ouais. Tu sais, qui parle de son train-train quotidien. Mais ça dépend, il y en a qui sont intéressants. Là. Ouais. Il faut faire attention. C'est ça. Tu sais, j'ai pas de problème à ce que tu vlogues ta vie, là. Mais... Tu vas juste pas le regarder. Rends-la intéressante, mettons. C'est ça. Invente des affaires, tu sais. Oui, ah, j'ai volé ça. Une œuvre d'art. comme notre c'est invité. Ça, exactement. Ça... Puis ça invente une vie. C'est sa prochaine vidéo, d'ailleurs. C'est ça. Okay. Donc, vous pensez que les YouTubers s'inventent des vies? Oui, parce que sérieusement, pour vrai, t'as des capsules à remplir à chaque jour de la semaine. Mais t'as comme pas le choix de te rendre intéressant, à un moment donné, c'est ça. Tu vas probablement amplifier la situation, dramatiser les choses, il me semble. En effet. Parce que ta vie peut pas être si intéressante que ça. Tu vis pas dans une sitcom, là. Faut que t'ailles un climax. Faut que t'ailles un enjeu. Tu sais? C'est vrai. Puis il faut que tu mettes ton enjeu directement avant la pause. C'est pareil comme une sitcom. Pareil. Tu sais? Ok. Peut-être juste moi. Ok, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des YouTubers? Des YouTubers? Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'avoue, je suis pas très, très YouTube, en fait. Okay. Il y a juste quelques vlogueurs que j'ai regardés. Mais des YouTubers en tant que tel, je connais juste un, peut-être Logan. Logan Paul, je pense. Logan Paul. Ah, boy. Pas une bonne référence, en tant que... Ouais, non, pas cétacé, en tout cas. Non, c'est ça. Bah, ouais, c'est ce que je me suis... c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué, je me suis fait dire. Puis aussi, je crois. C'est beaucoup de vlogueurs que je suis, en fait. Moi, j'aime plus ces personnes qui font découvrir un peu là où elles sont, en fait. Ouais. Donc, je trouve que c'est plus simple aussi que juste de parler comme de sa vie. Tu sais, c'est juste mieux, tu montes, puis après, tu commentes. Je pense que ça passe mieux, en fait, que genre s'asseoir devant une caméra, puis t'écouter parler. Je suis plus genre, mettons, si je vais sur YouTube, puis je cherche quelque chose, une critique de produit, ou peu importe, je vais taper ce que je cherche, puis des fois, je vais regarder des vlogueurs quand même. Oui. Mais j'irai pas suivre la vie d'une personne en particulier comme si c'était mon mentor, dans la vie. Non, c'est vrai. C'est moi qui influence le monde, bon. Non. Non. Calme-toi. C'est pas vrai. Tu pars un vlog demain matin. C'est sûr, ça, exactement. En passant, on est sur YouTube depuis cette semaine. Donc, Nitsai, est-ce que toi, t'as un YouTuber que tu... Non, je te dirais, je suis pas vraiment de YouTuber en tant que tel. Quand je vais regarder mon feed Facebook, je vais tomber sur des vidéos, je vais les regarder. Des fois, je vais trouver ça drôle, des pranks, d'autres affaires. Mm-hmm. Des vlogueurs qui font des vlogs sur leur vie courante puis tout ça, ça m'intéresse moins. Bon. Je te disais, c'est plus ma blonde qui va regarder ça que moi. C'est le vedettariat. C'est une affaire de fille, cette affaire-là. Tu sais, le vedettariat de suivre des personnalités, là, comme s'ils étaient vraiment importantes. Là. Mais ça dépend ce que tu montres. Comme je te dis, si tu me montres ce que tu manges pour déjeuner, je mange. Ouais. Tu sais, je veux dire... Si tu fais de quoi d'intéressant pendant ta journée, là, tu décides de, je sais pas moi, d'aller grimper une montagne, mais peut-être t'écouter. Peut-être. Ouais. On est tous d'accord, je pense. Ouais. Pas mal. Okay. Tu laves ton chien, j'en ai. Je m'en allais laver le mien. Je sais pas si c'est un beau chien. Je regarderai pas laver ton chien. C'est pas du modèle. De son année. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Sa couleur. Son millage. Son millage. Il est-tu bien shiny? C'est ça. C'est ça. Bref, on disait. OK. OK, donc on va passer. Quand tu ouvres une parenthèse puis tu nous fais parler, on va déblatérer pendant 20 minutes sans aucun problème. Tu fais ça quand tu veux. Donc ça, c'était pour les Adi Comes Days. Et donc l'édition s'est terminée, c'est parce que ça se tenait du 1er, je pense, au 1er au 2 mars. Mm-hmm. Et c'était en Stade Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc pour pouvoir avoir plus d'informations, vous pouvez aller regarder ça sur le hashtag Adi Comes Days. Ah, cool. Ou sur Twitter, sur Instagram et tout, pour avoir des informations, peut-être des photos, des quelques vidéos aussi de l'édition. Donc, il y avait sûrement des blagueurs. Ouais, c'est probablement. Sûr. Probablement. Et puis, mais c'était vraiment un panel qui réunissait toutes sortes de personnes. C'était vraiment large. C'était plusieurs personnes qui étaient peut-être d'autres qui étaient au devant de la scène, d'autres aussi qui étaient en retrait. Mais n'empêche que tous avaient un point commun, c'était qu'ils influençaient d'une manière ou d'une autre un certain public. Et puis, ils ont un gros pouvoir sur leur public. Souvent, les gens sont. Exactement. Ils font ce que leur mentor leur dit. Exactement. Donc ensuite, en parlant d'événements, là on a parlé de ce qui s'est passé, on va parler de ce qui s'en vient. Mm-hmm. Donc Talent d'Afrique. Oui. Talent d'Afrique, j'avais parlé de ça l'année passée pour la troisième édition. Et c'était vraiment, en fait, c'est un show, un événement culturel. En fait, cette année va se tenir le 19 mai et au cours duquel il y a différents artistes, peut-être des chanteurs, des danseurs, des humoristes qui performent pour s'attirer tout simplement peut-être les faveurs du public et puis remporter le prix du vainqueur à la fin. Donc c'est un peu comme un concours de talents, je dirais, et principalement des talents amateurs, en fait, des jeunes Africains résidant ici au Québec, et qui compétissent. Ça commence déjà avec les auditions. Je crois que les auditions, là, elles sont terminées. Okay. Et l'émission, elle va partir tranquillement, commencer à monter tranquillement. Là, on est déjà en mars, donc l'événement, c'est dans 2 mois, donc ça va vite passer. Donc le 19 mai à Québec, moi, je serai présent. J'ai vraiment bien aimé la première édition. Donc j'irai regarder ça la seconde pour voir un peu comment ça va se passer et tout. Et puis quand même 4 éditions, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que ça fait 4 ans que l'événement il existe, qu'il commence à s'implanter au Québec. Et puis chaque année, il y a des personnes qui y vont. Il y a d'autres peut-être qui sont allés aux 4, tu vois. Donc, moi je trouve que c'est une bonne initiative en tout cas. Et puis, tu vas pouvoir nous en reparler à ta chronique qui suivra. Qui suivra ça, en fait. Ouais. Je vous dirai un peu ce qui s'est passé, ce serait passé là-bas et tout. Et puis, qui a fini vainqueur? Ouais. Est-ce que c'est le candidat que je supportais ou bien. Oh! Est-ce que tu as le droit de dire qui tu supportes? Tu étais dans le jury? Non, je suis pas dans le jury. Okay, donc moi, je suis juste un public. Ouais. Donc, du coup, mais là, pour le moment, les candidats sont pas encore reconnus. Donc, ça serait un peu difficile d'en choisir un déjà. On voulait des spoilers. Mais vous inquiétez pas, tout au long de la chronique, on en aura. Donc, ça, c'était un mot pour Talent d'Afrique. Et là, on va passer aux réseaux sociaux. Oui. Voilà, donc là, on se rapproche tout doucement. Et on va commencer déjà par. Un rappeur burkinabé, en fait, qui s'appelle Toxa. Je parle souvent de lui, en fait. Mm-hmm. parce que j'aime vraiment beaucoup sa musique en fait, parce que je trouvais ça qu'il avait un flow qui était assez authentique et puis assez spécial aussi. En fait, moi je l'ai connu en 2017, il a été mon coup de cœur avec un de ses morceaux qu'on a déjà joué ici qui s'appelle On met dedans. Et en 2018, je pense qu'il ferait partie des artistes quand même à suivre au cours de cette année parce qu'il a démontré un beau potentiel. Et puis j'espère qu'il va continuer dans cette lancée en tout cas, et puis à faire sortir des trucs, à faire sortir des projets et tout. Et puis je pense que sa dernière vidéo, elle remonte au 10 décembre 2017. Okay. Donc là, ça va faire un petit bout qu'il n'a pas fait sortir de trucs. Je suppose qu'il prépare... Il prépare de quoi, donc... Plus tu nous fais attendre, plus c'est mieux d'être bon. Oui. C'est ça, donc on attend tranquillement une prochaine chanson. Mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver tranquillement. Donc ça, c'était un mot de pour Toxa. Ensuite, on va parler du dressing de Kinya. Ça, c'est une page Instagram aussi. Congo, c'est comme une boutique en ligne, en fait. Okay. Et ils sont basés sur Instagram, principalement ils vendent comme des habits de femmes et tout. Et j'étais surpris par le nombre de followers justement en fait. Parce que je tape dans la barre de recherche Instagram, j'ai tapé juste la ville, Brazzaville. Mmh. J'ai vu que quand même ils ont quand même autant de followers que ça pour juste une boutique et tout. Et puis je pense qu'ils étaient même sur Brazzaville, quand tu tapes sur Insta, t'en as pas tant de d'Instagrammeurs là. Bon, il y en a qui utilisent le réseau, mais d'autres à plusieurs milliers de likes comme ça. Il y en a pas, on voit pas beaucoup passer des publications. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui mettent pas la localisation tout simplement. Ouais, ouais. Mais en tout cas, dans cette localisation là, il y a principalement cette page que j'ai trouvée. Et puis voilà, je trouve que c'est une bonne initiative. Et puis peut-être d'autres personnes devraient plus commencer à utiliser le réseau le plus possible. C'est une bonne chose, c'est que Instagram permette de magasiner comme oui, ça. Oui, tout à fait. Donc, ça crée encore une fois un nouveau domaine à exploiter. Et des dettes. Et des dettes. Vu que tu utilises ta carte de crédit. Pour le client, oui, c'est pas mal. C'est ça, exactement. C'est pas mal ça. Donc là, on va passer à notre invité Instagram qui s'appelle Netside. Donc on va le laisser un peu se présenter. Il va nous parler un peu de lui. Ouais. Qui es-tu? Merci beaucoup. Moi, je suis qui? Je suis quoi? Je suis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Du steak. Puis, donc, c'est ça. Moi, je suis Nateside. En fait, je suis un rappeur local. Mm-hmm. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ça. Ça fait peut-être un an et demi, en gros. Là, j'ai déménagé à Montréal, puis tout. Puis, je fais de la musique, du rap, funk, pop. Ah, ok. Je touche énormément de sphères de la musique. Parce que j'aime beaucoup le rap en général, mais ce qui revient tout le temps comme négatif, c'est que c'est redondant. Ouais, c'est que c'est violent, souvent des fois. Violent. Ouais. C'est redondant, violent, puis c'est souvent, ça se ressemble énormément. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est regarder d'autres sphères, comme le disco, okay. Comme le rock, d'autres. Je mélange tout ça dans un gros pack, puis je me lance là-dedans, puis je lance des paroles là-dessus, puis j'aime ça comme ça. Puis, est-ce qu'on peut essayer de deviner pourquoi Nateside? Nateside, Nathanaël Côté. T'es vraiment pas loin. Oh, Nathan Côté, non, c'est ça. Nathan Côté. J'avais 50% de chance de tomber dessus. Ouais, ouais. T'es pas prêt. Merci. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai lancé ça là, un an et demi. Là, ça va bien. Je travaille beaucoup avec Philippe. Là. Il m'organise des shows le plus possible. Mm-hmm. On va lancer une tournée de 10 shows cet été au lancement de mon mixtape. Qui est presque terminé. Oh, puis, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, des beaux projets déjà à venir. Mais ça, on veut avoir un peu ses goûts par rapport un peu à la mode, qu'est-ce qu'il porte et puis qu'est-ce qu'il aime un peu comme vêtements, tout ça. Ouais, moi, j'ai été chanceux parce que dans le fond, avant, j'étais sans aucun goût vestimentaire, selon une certaine personne qui est ma blonde. Puis elle m'a arrangé ça. Fait que depuis que je suis avec, je te dirais, j'ai énormément changé mes goûts vestimentaires. Je m'habille plus spécial. C'est pas tes goûts à toi, mais... Ben non, mais j'aime ça. Pas ça. J'aime ça, mais c'est juste que j'irais pas penser tout ça. Ouais, ouais. Parce qu'elle étudiait en mode à Montréal, puis... Fait que là, depuis que je suis avec, goûts vestimentaires, j'essaie de faire des dégradés. Oh. Des changements. Des... Okay. Moi, tu fais West Island un peu, je trouve. Ah. Ouais. Fait que, ouais, coup vestimentaire, c'est un peu ça. J'ai des chandails troués, des pantalons troués. Des fois, on essaie de me sortir de la mode, on va y aller à l'ancienne, des pantalons éléphants. OK. Des pantalons pas troués. Des pantalons pas troués à l'ancienne. Pas changement, ouais. dans le temps qu'il était neuf. Qui coûte moins cher que ça. Exactement. Oh, wow. Donc, c'est ça. Et puis, au niveau même de la musique, au-delà de la, du rap même que tu fais, toi, t'écoutes un peu principalement quel type de musique, tout ça? Ouais. Un peu comme quand je m'inspire, j'écoute vraiment de tout. J'écoute beaucoup de disco, beaucoup de rock, beaucoup de pop, beaucoup de rap aussi. Je m'inspire un peu de tout ça. Fait que je te dirais, comme si je pourrais te nommer des artistes, t'as Sunreal, des rappeurs français comme Nekfeu, Lampal, tu vas avoir. Je vais écouter du Eminem aussi, Subside. Je peux aller écouter ensuite du Hollywood Undead qui fait beaucoup de rap rock. C'est ça. Dans le rap disco, je te dirais, j'en écoute pas, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. Puis, tu le fais à place. C'est ça, exactement. Ouais. C'est moi qui fais ça. Ton créneau. C'est ça, exact. OK. Donc, on va te ramener avec une question par rapport au cinéma. Nous, on parle un peu de tout. Et puis, est-ce que t'as un film en ce moment, un film favori depuis que cette année a commencé, un film coup de cœur? Un film favori, je te dirais... J'écoute beaucoup de science-fiction, puis de films de super-héros, puis tout ça. Là, actuellement, dans le monde du cinéma, il y a énormément de ça. Là, Marvel qui a comme explosé le domaine du super-héros et tout ça. Actuellement, j'ai pas de film en tant que tel que je capote dessus. J'écoute beaucoup de séries. Okay. Mais dans les films, j'en ai pas vraiment. Le dernier film que t'as regardé, c'était quoi? Le dernier film que j'ai regardé, attends voir, je pense que c'est... Je me souviens plus du nom, mais c'est un film avec des mafieux. Ah. Et pas des super-héros. Toujours bon, ces films-là. Ouais. C'est avec Robert De Niro. C'est une famille qui s'installe en France puis qui il s'évade un peu. Il se cache parce qu'il a donné des noms à la police et tout ça. Je me souviens plus du nom du film. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est du tout, je suis pas un connaisseur de film. C'est La Famille, je pense que ça s'appelle. La Famille. Ouais, je pense que ça s'appelle Famille. La Famille. Ah, rien. Ok. Ouais. Bon, moi, c'est ça, c'est La Famille. La Famille. C'est ça, hein? Bon, oui. J'étais pas loin. C'est pas un film familial du tout, là. Ça peut aussi s'appeler Malavita. Ah! J'imagine que ça doit être peut-être de l'italien. J'imagine. Bref. Hein? Donc, c'est ça. Donc, Netside, c'est pour le suivre déjà sur ses réseaux. Je pense que l'Instagram, c'est Netside. Ouais. Et puis, sur quelle plateforme écouter tes musiques, tout ça? Bandcamp, c'est là-dessus que je vends ma musique directement. Okay. J'ai ma page Facebook là-dessus. Si on écrit Netside sur Facebook, on me trouve directement. Puis là-dessus, on peut aller chercher mes albums et tout ça. Puis les news aussi. Ouais. Comme là, il y a beaucoup de news qui vont s'en venir, mais que je sorte mon mixtape. À part ça, ben, on peut me suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook. Les grosses plateformes, en fait. Okay. Donc, Anena, T-E-S-I-D-E. Simple comme ça. Ouais. Netside. OK. Donc, c'est ça pour les auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur Netside. Suivez ces différents comptes et puis sur YouTube aussi, tes musiques sont sur YouTube aussi, donc on peut écouter ça sur YouTube. Et puis voilà, nous on va conclure cette émission sur Famas et Willy Jen. Notre musique de fin qui s'appelle Nous Vient de Cocody. C'est des rappeurs ivoiriens que moi j'ai connu, j'ai écouté leurs chansons en fait, et puis j'ai vraiment apprécié ça. C'était vraiment, c'est un peu de la trap en nushi. Okay. Nushi, c'est un peu de l'argot ivoirien. Et ils font un peu de la trap comme ça. Et en tout cas, ça m'a bien plu sur SoundCloud. Donc on va terminer par ça. On écoute ça et après ça, en cadeau, moi, une pièce de Netside. Une pièce de Netside. Pas mal le choix. Ben, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, Dominique Nutt, bravo. Bon après-midi. Merci Netside. Mais qui t'a dit que nous à Choco? Chapé, qui t'a dit? On va écouter français pour comment nous chie. Voilà. Champi, viens faire un tour dans notre ghetto. J'ai percé ta défense comme Zezeto. Zezeto, Polo. Le son est doux dans ta bouche, c'est comme Popito. Popito, ta maman t'appelle. Nous vient des cocodis. Nous vient des cocodis. Mais ça est pas dit nous à Choco. Jamais. Ça est pas dit nous à Choco. Nous vient des cocodis. Pull up à Cocody, trop de varins, trop de crocodiles. Bon, c'est la jeune comme un Bracody. Tu sais que ta vie, je vais la raccourcir. Pull up X6 dans le raccourci. Je me sens libre comme un Marco 6. Et le 3-6 qui reste pas 36. Beverly, Yolo, cet après-midi, je vais picoler. Du violet et de la veille, je suis plus proche de Piccolo. Quand je vois tout, c'est rigolo. Oh my god, je vais me régaler. Ils veulent tous se mégaler. Fuck cette bande de gigolos. Tu parles en vain, tu m'as saoulé. Comme Titanic, tu vas couler. Trois estralages pour décoller. Trois estralages pour décoller. Aucune solution, je suis pas ado. Si je monte à petite, je la dado. La concurrence, je les mets tous à dos. Comme Dora, tout dans le sac à dos. Nous viens de Cocody. Mais qui t'a dit que nous est choco? Chapé, chapé. Qui t'a dit ça? On va écouter français pour Kouman Nouchi. Voilà. Champi, viens faire un tour dans notre ghetto. J'ai percé ta défense comme Zezeto. Zezeto, Zezeto, Polo. Le son est doux dans ta bouche, c'est comme Popito. Popito, Popito, ta maman t'appelle. Nous viens de Cocody. Nous viens de Cocody. Mais ça est pas dit nous est choco. Jamais, jamais. Ça est pas dit nous est choco. Quand je prends mon guaca, de toute façon j'ai mon gnagne. Alors, c'est pas toi qui paie pour moi. Je sais même pas pourquoi ça te fait mal. Tu parles moins de moi. Mais Choco, je suis l'amour secret de ta go. Faut le demander. Je l'invite au gaba. Faut pas avoir quoi quoi tout mon cabato. Elle aime trop ça. On dit que le papa de la go est chat. Dumba baraka coco dit danga. Et puis c'est avec un mon gars tout plat. Comment que la go l'avait fait sa life, hein? Regarde moi les choses comme ça. Je sais même pas ce qu'elle a vu sur moi. Est-ce que la go est normale? Ça c'est qu'un nouveau genre de Mazoya. C'est pas wawa, moi-même je suis des bas. Je l'ai pas braqué, elle est fond de moi. Paye son gars, c'est un Dajibola. Il est fourré comme un Lalogo bas. Voilà, Bila, je n'ai jamais vu ça. Elle est sous le charme, c'est pas croyable. Lago est sensible, nous si de Cocody. Mais qui t'a dit que nous est choco? Champi, champi. Qui t'a dit ça? On va écouter français pour Kouman Nouchi. Voilà. Champi, viens faire un tour dans notre ghetto. J'ai percé ta défense comme Zezeto. Zezeto, Zezeto, Polo. Le son est doux dans ta bouche, c'est comme Popito. Popito, Popito, ta maman t'appelle. Nous viens de Cocody. Nous viens de Cocody. Mais ça est pas dit nous un choco. Jamais, jamais. Ça est pas dit nous un choco. Oh yeah. Les doubles à ce point, la souhaiter que le mic est le jeu. Let's go, Mayside. Gotta get this track first time, no bullshit. This ain't no scrap, maybe die cause I'm lit. First shit with SMG, listen to it. DJ's not a kid, it's a lit, but I get pyramid. Gotta love, gotta stress, not the worst, is the best. Still enough to feel impressed, gotta know, time to rest. Life is short, I suggest, grab the mic, run the test. Pass your life into the rest, something like sacrifice. Show them all, cut and size, gotta be the road to die. Spit it raw, spit it night, life is hard, life is hell. Nobody's better sell, all together, hold it well. Know the pain, gotta tell. Yeah! Trying, trying, I'm trying, trying. I'm trying, trying, typing for this motherfucking song. SMG was an ambush, like my kush, talk to push, taking touch. I call that a rape, cause we're just a bunch of hate. On point avec Fanny, dans Suzuki and Nate. Fate, got a fate, got a mate, never gonna be late. I got a more ambition than your faction. I got an impression, gouvernementalisé. Dirigé pour diviser, on est tuné pour être engagé. Ou pour escalader les murs du parlement, yeah. Parlementé, net est juste fuck off. J'trouve ça trop bas, trop tough le love. J'rope parce que j'prends un bot, j'suivrai pas les autres, yeah. Yeah. Trying, trying, I'm trying, trying. I'm trying, trying, typing for this motherfucking song. I'm trying, trying, I'm trying, trying. I'm trying, trying, typing for this motherfucking song. Start it off, buy some puff, make it train, disappear the pain. Got a picture of me, but who cares? Everyone know me, so stop your fear. Don't be poor, you're not sure, cause you're full of four. Make a break, stop to make, just to fake. Vas-y, shake avant que ça soit la fin. Réveille-toi pis sois un saint. Oh shit, c'est yeah, trop vrai right. Yeah, oh, yeah, yeah. Not a rack, kick this side, but matter of fact, you get me in the back. I'm not a cry, but I'm a hacks. Cross the river without touching water, find a unit her. Paper rolling him out, and if you try to shut me in the back, girl, I'm gonna dance for you. I'm trying, trying, I'm trying, trying. I'm trying, trying, typing for this motherfucking song. I'm trying, trying, I'm trying, trying. I'm trying, trying, typing for this motherfucking song. Hey yo, SMG, laisse tourner l'instrumental. J'take one more puff, man. Ok, yo, SMG, retourne on the track, man, j'suis plus capable. from the drugstore. I don't know who you are. Spit those verse like they are bullets. We don't care about your purse. Get out of the clothes and fuck up. Check and puff avant là. C'est la fin de ce rush. Peace out. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Troisième heure et plus d'assemblage requis en ce mardi 6 mars 2018. Je suis celui qui fait des erreurs d'inattention sans cesse. Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Hey, hey, hey. Hey, hey. Dans quelques minutes, tu vas nous faire une autre petite chronique de Tania's God Entertainment. Tu as plusieurs sujets à nous aborder d'ici la fin de l'émission. Oui, oui, oui, oui, tout à fait. Bien, on va rester un petit peu du côté scientifique. On l'a dit tout à l'heure, on avait parlé du printemps il y a quelques temps. Ouais. Vu qu'on a eu des températures assez bizarres, là, on met les pendules à l'heure, oh. Mathieu. C'est ça qui se passe ce matin. Littéralement, en fin de semaine, on change l'heure. Exactement, on change l'heure en fin de semaine aussi. C'est pas normal, hein? Mais on va parler du printemps. Ouh. On va parler du printemps. Sinon, un peu plus tard, cette année, un peu plus tard dans l'année, il se passerait quelque chose d'assez majestueux. OK. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle du mariage royal qui va se passer. Et ce matin, on va en parler un peu. Arrête donc ça. Ben ouais. On voit que tu pèses tes mots aujourd'hui. Majestueux, c'est majestueux. Bien dit, ça. Ouais. Mais avant, on écoute Helen Keller, Skelter. Voici Fly Through Clouds. Skelter avec Fly Through Clouds à Assemblage Rocky. Et maintenant, on continue avec une autre portion de Tania's Got Entertainment. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's got entertainment. On continue dans le domaine de la science. Oui, exactement. On continue dans le domaine de la science un petit peu. Parce que, bon, on a déjà discuté du printemps. On a discuté que les températures seraient quand même assez difficiles. Mm-hmm. On a eu un temps anormalement froid. Ça a sévi un petit peu tout ce qui découle de façon normale en temps habituel. Et ça, c'est pas juste au Québec, sachez-le. C'est sur une grande partie du continent nord-américain que ça s'est produit. Donc, ça l'a pas nécessairement... eu de giga répercussions sur le temps même. Par contre, ça l'a pas empêché, le printemps de commencer sa marche vers le nord, disons-le. Donc, en fait, c'est déjà arrivé dans certaines régions avec 22 jours d'avance. Le printemps est actif malgré ce qu'on disait qu'il allait être. Et il n'y a plus juste les Dairy Queen qui sont non, passés. C'est ça, exactement. Et si on regarde un petit peu, tu sais, vous savez, le fameux jour de la marmotte, là, à savoir si elle veut sortir de son trou ou peu importe. Eh bien, Fred la marmotte a parlé, mesdames, messieurs. Ben oui, il y a un nom. Je pensais que c'était Phil. Eh bien non, c'est Fred. Le printemps est actif, donc le printemps est d'avance sur son temps. On arrive tôt cette année et selon les prédictions, en fait... Pardon, selon les prédictions, en fait, on avait dit que ça allait être beaucoup plus tard durant l'année parce qu'on avait eu des changements climatiques qui étaient un petit peu, difficiles à gérer pour les bourgeons, pour les couleurs des arbres, pour le temps. Mais là, semblerait que finalement, tout ça, ça se soit calmé et que finalement, on va avoir du beau temps beaucoup plus rapidement qu'on l'aurait cru. Donc, sur la côte ouest, on est davantage habitué aux printemps qui sont actifs. C'est la côte qui... c'est la côte est, en fait, qui est étonnée un petit peu de ces résultats-là parce que les premiers signes du printemps sont apparus à Washington pendant que le mois de mars là, avait même pas encore commencé. Mais aujourd'hui, en date, par exemple, du 5 mars, ce qui est hier... les bourgeons avaient éclaté sur une vaste région qui s'étend du Kentucky à la Pennsylvanie avec une vingtaine de jours d'avance sur la moyenne des années 1981 à 2010. Si on regarde ici au Québec, le temps est quand même assez beau ces temps-ci. On a encore un petit peu un temps froid. On a aussi encore des températures qui sont pas mal changeantes. Donc, est-ce que nous, ça va être la même chose un petit peu que nos voisins des États-Unis? Est-ce que le printemps va être actif? Eh bien, Fred la marmotte a dit que oui, en fait, parce que le 2 février dernier, depuis 9 ans, la communauté de Val d'Espoir, qui est à Percé en Gaspésie, se sont réunis en fait devant une église pour attendre la prédiction de la fameuse marmotte. Et si la tendance se maintient, bien le printemps va être précoce. Selon la tradition, si la marmotte ne voit pas son ombre, eh bien elle va rester à l'extérieur parce qu'elle croit que le pire de l'hiver est passé et que le temps chaud finalement approche. Mais si elle voit son ombre, elle est tellement effrayée qu'elle retourne dans sa tanière pour dormir 6 semaines de plus. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, bon, l'hiver va durer beaucoup plus longtemps parce que la marmotte a vu son ombre. Je savais même pas au courant qu'on avait une marmotte québécoise. Eh bien oui, on a une marmotte québécoise. Mais selon le comité organisateur, en fait, il y a eu des entrevues, il y a eu des reportages sur la marmotte qui se sont réalisés un petit peu partout au Canada, mais aussi aux États-Unis, parce qu'on parle de la Gaspésie du matin jusqu'au soir dans les médias durant le mois dernier. Ça a fait en sorte que le monde a parlé de la Gaspésie, c'est le fun. Sûrement que leur cote de tourisme va augmenter durant l'année. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette marmotte-là a été prise au sérieux. Parce que, bon, on s'entend que oui, c'est sûr et certain que la marmotte, si elle voit son ombre, elle va rentrer dans son trou. Mais il n'y a rien qui définit que la marmotte, elle rentre dans son trou parce que l'hiver va durer plus longtemps. T'sais, on s'entend, elle voit son ombre, elle rentre. Présentement, au Québec, il y a encore beaucoup d'accumulation de neige. Moi, je regarde ici, au travers de la fenêtre, là, du côté de Trois-Rivières. C'est sûr qu'il y a plusieurs régions qui sont différentes. Par contre, si on regarde les températures, probablement que le printemps devrait faire son arrivée, encore une fois, beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prédit en début d'année, ou du moins en fin d'année 2017, parce qu'on croyait vraiment que ça allait avoir des répercussions, qu'elle allait être un petit peu plus difficile sur tout ce qui entoure la nature, tout ce qui entoure la climatisation. climatique, tout ce qui entoure un petit peu l'environnement, parce que bon, on s'entend que il y a eu des anomalies hivernales quand même assez grandes, mais ces derniers temps, on a eu des bourrasques de vent, on a eu des bourrasques de neige aussi dans les derniers jours, dans les dernières semaines, donc tout ça, ça reste encore dans les changements climatiques qu'on a un petit peu de difficulté à pouvoir établir de façon stable. Ça fait en sorte qu'on... Oui, on peut dire que le printemps pourrait arriver de façon précoce, mais ça nous laisse un doute encore. Souvent, vers le mi-mars, on a une grosse fonte de neige. Est-ce que cette année, ça va se produire? On est déjà rendu le 6 mars. On regarde autour de nous. Il y a encore beaucoup d'accumulation. Est-ce que ça va faire comme l'année dernière où on avait eu quand même une bonne fonte? On avait eu des températures qui étaient vraiment très clémentes, super chaudes aussi. Et vers la mi-mars, là, aux alentours du 15 mars, boum! Une des plus grosses tempêtes de neige que le Nord américain n'avait pas connue encore durant les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui pourrait se reproduire cette année? Peut-être. On se rappelle aussi, l'année dernière, il y avait eu beaucoup d'inondations au Québec à cause de la fonte de neige, justement. C'est sûr et certain que les changements climatiques qu'on a eus durant l'hiver, les accumulations d'eau aussi, on a eu beaucoup de pluie quand même malgré tout cet hiver. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on pourrait réavoir des inondations? Eh bien, oui. Hmm. Donc, sachez-le, si jamais vous vivez près de certains cours d'eau, prévoyez le coup. Je sais qu'il y a certaines municipalités là, qui sont déjà en train de travailler très fort au fait qu'il pourrait y avoir des inondations. C'est sûr et certain que le printemps, c'est toujours une situation où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le changement d'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, va se faire cette fin de semaine. Donc, on a un changement d'heure plus tôt que l'année dernière. J'en reviens pas comment c'est de bonheur. Moi aussi, c'est sûr et certain que ce changement d'heure-là va mettre dans la tête à tout le monde qu'on est déjà dans une situation de printemps. Oui. Donc, c'est sûr que si on ne voit pas nécessairement le beau temps arriver, on va se dire que finalement, le printemps tarde à arriver. Mais en temps normal, on changeait l'heure un petit peu plus tard. C'est donc, psychologique, hein, c'est ça. C'est psychologique, c'est sûr et certain. Est-ce que la température, est-ce que la météo va être de notre côté? À savoir, est-ce qu'on va avoir de bonnes fontes de neige? Est-ce qu'on va avoir des températures qui vont être plaisantes malgré tout? Est-ce que les températures qu'on a présentement, qui sont quand même aux alentours de zéro, aux alentours de 2 degrés durant la journée, va faire en sorte qu'il va y avoir des catastrophes météorologiques au niveau, par exemple, des inondations? Va falloir suivre l'actualité de très près, mesdames, messieurs. Yeah boy, hein? C'est encourageant, tout ça. Oui. Ben oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Un autre petit sujet tantôt, mariage royal, j'entends dire. Oh oui. Mais avant ça, tiens, j'ai envie qu'on se garnisse un petit peu les oreilles. Hein? Oui? De musique qu'on appelle de palmarès, hein? Dans le bloc des palmarès, c'est fou. Ah oui, c'est le moment d'aller rendre visite à nos très négligés palmarès, c'est fou. Et aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Mm-hmm. C'est le bloc nommé Palmarès in Peace. Just mountains of change. Ces pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. We'll be right back. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès depuis la semaine du 26 février au 4 mars 2018. Les messieurs, ils savent-tu, ils savent-tu pas, moi, elle sait-tu, ils sont restés là pendant 8 semaines. Ponctuation a mis un point à sa phrase avec la pièce Fleur qui a duré 9 semaines. Ah, on a vu enfin la lumière au bout du tunnel, Mathieu, avec Et tout broussé et Delight qui est resté là pendant 6 semaines. Mm-hmm. Et scène 27 a trouvé une cure de rajeunissement avec la pièce Los Angeles qui a duré 7 semaines. Alors, on a choisi une pièce à deux, Tania, ensemble. Je pense que notre préférée des quatre est clairement évidente. Parce qu'on l'a joué plus que les autres. Exactement, puis elle est restée là simplement 6 semaines. Seulement. Alors on s'est dit pourquoi pas se faire un petit plaisir ce matin. Voici Et tout broussé et Delight. Check-moi ton micro encore faire du swing-swing dessus. Est-ce qu'on a... Oh, plus fort. Ben là, je peux pas. Ça fait plus rien, là. C'est parfait. C'est un one-time thing. C'est ça, fallait être là. Star cowboy used to be the one who let you down, let you down. I had no time for second chances, had no time to let you hang around, hang around. But I see the light come lay me down. Yes, I see. C'est avec la pièce The Light dans le bloc Palmer Rest in Peace d'Assemblage Requis. C'est là-dessus qu'on termine cette demi-heure et on revient tantôt avec une autre petite partie de l'émission. Il nous reste une demi-heure ensemble, donc on va parler du mariage royal. J'ai hâte de voir de quel angle tu vas aborder ça. Vous allez voir. Pas ça à la quétaine, sinon. Mais non. Mais je te fais confiance, c'est toi. Hey. C'est toi. Hey, fais-moi confiance. Reste là. Assemblage Requis. Assemblage requis. Oui. C'est fou, 89 ans. pourcentage requis. Pour toi aujourd'hui, pourcentage requis. Mais tes doigts qui me guident deviennent mon chemin. J'ai pas trop voulu croire, mais les moments scintillent deviennent lendemain. Ah. Ton regard me chavire et on laisse nos verres dans le bar orphelin. Il faudra se taire. Ah. Que ton corps s'élève encore en déchu du mien. Ah. Puis la lumière de shutdown, baby. Puis toute la planète est aux aigus. Puis nos deux voix de star au moment précis. Puis le silence des parfums. Le rose pot est brûlant, real brûlant. On le put up dans une bulle, pretty dirty baby. Oh. On était solo dans la place, tout nu dans l'appart, comme si tout le monde nous regardait. Ow. Quand la lumière sera close, c'est qu'il faudra se taire. Ah. Que ton corps s'élève encore pour déchirer du bien. Tu tiens au creux de tes mains comme un chien. Avec la pièce Satin. Oui, la famille Ouellette, les mêmes qui sont le house band du show de Rousseau à V depuis hier soir. As-tu écouté ça? Non, pas toutes. Continue de même. Non, c'est pas mauvais, c'est juste c'est un petit peu, c'est people pas mal comme émission. Oui, mais c'est normal, c'est ça qu'ils veulent, Mathieu. C'est ça qu'ils veulent, exactement, c'est ça qu'ils veulent. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent la co-animatrice sur un banc dans foule à la place d'affaire à soir, c'est divin comme tous les talk shows. C'est comme la mettre dans le fond de la, tu sais, elle a l'air d'un rejet, elle a pas l'air de ben, voir. Ben, rejet. Non, mais elle devrait pas, c'est la co-animatrice. Je trouve. Bref. C'est qui? Sonia Cordeau. Ah. Des appendices. Je l'aime bien, c'est pour ça. C'est bref. Juste pour ça, Mathieu. Non, mais tu sais, elle est drôle. Elle est plus drôle que Rousseau, fait que tu mettais là en vedette. Hein? Selon tes goûts. C'est ça. C'est ça. Je suis parti sur une critique d'émission de télé. Ouais, ça a l'air assez ton affaire. Ça n'a pas rapport. À la place, on va parler avec toi, Tania, dans une autre chronique de Tania is Gonna Entertain. Yeah. Et cette fois-ci, on parle de mariage royal. Et là, ça m'intrigue parce que ça a l'air du genre de choses qui seraient couvertes par les réseaux people de ce monde. Mais oui, probablement. Mais en fait, si vous êtes de ceux que ça intéresse, parce que Meghan Markle fait partie du nouveau couple royal qui va se marier. Et si vous savez... Il me l'a volé, hein? Moi, je l'avais pris avant. J'avais dit que je l'aimais, Meghan Markle. Si vous savez pas qui est Meghan Markle, eh bien, c'est la fille qui joue dans Suits. Oui. Et c'est aussi une Canadienne d'adoption. Oui. Elle adore le Canada. Donc, on est un petit peu touchés par ça au Canada à cause, justement, de son lien d'amour envers le Canada. Et je me suis dit, ben pourquoi pas vous lancer quelques petits faits par rapport, justement, à cette situation quand même assez intéressante. C'est pas la famille Ouellet, mais c'est bien la famille royale. peut-être que leur nom de famille, c'est Ouellet, on sait pas. Peut-être, on sait pas. C'est pas Windsor, je pense, leur nom de famille. Ouais. La famille royale a pas... Techniquement, ils ont comme pas de nom de famille. Ouais, genre, c'est ça, ils c'est pas... de Windsor. Mais c'est quand même Windsor. Ouais, exactement. Bien, sachez que le couple, en fait, s'est rencontré par l'entremise d'amis communs. Au départ, c'était comme une blind date. Pour vrai, arrête donc. Hey, la surprise. Mais c'est parce que hein, moi, je me demande encore quand est-ce que mes amis vont me présenter un prince, mais bon. Ça s'est passé en septembre 2016. Puis, ils sont sortis ensemble quand même assez incognito, je te dirais, Mathieu. Bon, on avait eu quelques petites rumeurs ici et là, mais ils sont restés quand même assez, assez bons pour être loin des paparazzis. Mm-hmm. Parce que considérant le fait que Meghan Markle est une actrice quand même assez connue à travers le monde, on la voyait vraiment beaucoup dans Suits à ce moment-là. Les paparazzis couraient après, mais on a quand même réussi à justement se tenir loin lorsqu'on était avec le prince Harry. Donc, c'est quelque chose qui a été bénéfique, en fait, pour eux, parce qu'ils ont pu passer du temps tout simplement ensemble. C'est drôle, la façon qu'on aborde ça et qu'on voit ça tous les deux, c'est comme genre, waouh, il sort avec Meghan Markle. Mais tu sais, en tant que tel, c'est supposé être le contraire. Je sais, mais bon, que voulez-vous? Mais je le vois de la même façon, Caroline, tu sais, c'est Meghan Markle. Ouais. Exactement. Et un an et un mois plus tard, donc le 27 novembre 2017, ils ont annoncé leur engagement, leur fiançailles. Mm-hmm. Et ça s'est fait sur Twitter, mesdames, messieurs. Ah! Eh bien oui, sachez-le, la date du mariage, en fait, ça va avoir lieu le 19 mai 2018. Donc, c'est quand même bientôt, là. Ça s'en vient. Et ça a été confirmé, en fait, le 15 décembre 2017 sur Twitter. Mais bon, il faut comprendre que le Twitter est quand même... Il est dirigé et il a une équipe de... C'est pas le prince Harry et Meghan Markle qui ont écrit le post sur Twitter. Deux sur le même téléphone. C'est ça, c'est le Kensington Palace. Donc, sachez-le, vous pouvez aller les suivre si jamais ça vous intéresse. Il y a toujours des nouvelles, peu importe, que ce soit par rapport à la famille royale ou tout simplement à certaines décisions qui se passent du côté du palais. Ça se passe souvent sur Twitter. Ils ont des comptes Instagram aussi, si ça vous intéresse. J'imagine vraiment un compte Twitter, genre, qui parle des nouvelles du palais, comme genre, j'ai un abcès, genre. Pas vraiment, Mathieu. OK, t'es pas bonne, ça. Non, je sais. On veut savoir aussi où est-ce que ça va se passer, parce qu'un mariage royal, et surtout du côté de l'Angleterre, on le sait, c'est toujours quand même assez grandiose. Si on se rappelle, le prince... William, c'est ça, William, okay. Mon Dieu, je l'avais. Le prince William et Kate, bien, ça avait quand même assez été médiatisé très, très d'avance. Les gens attendaient après ça. Donc, on a décidé de se marier, en fait, à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet emplacement-là? Bien, en fait, parce que la chapelle, oui, a une signification pour le prince Harry. Il a été baptisé là-bas en 1984. Et plus qu'on en apprend sur ce fameux petit mariage royal, eh bien, plus on apprend que le prince Harry, en fait, c'est comme un doux. C'est un émotif. Ah, OK. C'est quelqu'un qui est près de ses émotions, qui est près de ses souvenirs, surtout. Et bien évidemment, la reine Elisabeth II a donné sa permission pour que le mariage prenne place à cette chapelle-là. Le tout va être, sachez-le, payé par la famille royale. Ah. Donc, pour certains, peut-être qu'on espère qu'il y aura un open bar si vous êtes invité, mais sinon... Hein? Vous n'êtes pas invité. C'est ça, exactement. Bon, on le sait, il y a le prince Harry, il y a le prince William qui, lui, s'est déjà marié. Ce sont deux frères, ce sont les enfants de Lady Diana, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais sachez que le prince William va être l'homme d'honneur du prince Harry. Bibop. c'est quand même assez sensiblement normal, en fait, pour le mariage royal, que, bon, si t'as un frère, ça soit ton frère qui soit ton homme d'honneur. C'est assez rare, en fait, que ce soit ton meilleur chum avec qui tu vires des brosses dans un pub anglais. Mais bon, ce sont des gars qui sont quand même assez souvent ensemble. Ce sont les enfants du prince William et de la duchesse Kate. Et on va avoir des rôles dans le mariage, bien évidemment, du mononcle. Qui, c'est pas encore confirmé, là, mais bon, évidemment, on s'attend à ce que la petite fille lance des fleurs puis que le gars amène les anneaux en avant ou le contraire, peu importe. Mm-hmm. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez que vous allez pouvoir écouter le tout sur votre télévision, mesdames, messieurs. Ben oui, comme à chaque fois qu'il y a un mariage royal, en fait, vous allez être capable de regarder les deux tourtereaux devenir mari et femme. Et pour le couple, bien, c'est quand même assez important que la famille, les amis et le public prennent part au mariage. On le sait, du côté de l'Angleterre, souvent, lorsqu'il y a un mariage royal, c'était dans le passé une habitude que de donner congé. Au sujet royaux. Au sujet royaux, mais aussi aux gens. Non, mais c'est ça. En Angleterre. Les gens sont tous les sujets royaux. Exactement. En Angleterre, hein. Mais là, cette année, il n'y aura pas de congé pour les Anglais. Malheureusement, pour le peuple britannique, on ne va pas bénéficier d'un jour de congé. On va bel et bien devoir se rendre au travail le 19 mai prochain. Contrairement, justement, au mariage de William en 2011 ou de Charles en 81, bien, celui du prince Harry ne va pas nécessairement donner droit à un jour férié. Par contre, les pubs vont rester ouverts beaucoup plus longtemps. Donc, pour célébrer le mariage royal par la suite, les pubs, les cafés vont pouvoir fermer plus tard. Ça a été annoncé dimanche par le gouvernement britannique. Donc, le mariage royal, c'est une occasion pour les gens à travers le pays de se rassembler, de fêter un événement qui est quand même assez heureux, qui est historique aussi pour la famille royale et pour la nation. Donc, la décision a été prise après une consultation publique de 4 semaines. Et les établissements en Angleterre et au Pays de Galles, qui ferment habituellement à 23 heures, bien, on va pouvoir rester ouvert jusqu'à 1h du matin, la veille et le jour du mariage. C'est clair que les gens sont favorables, en fait, à l'idée d'avoir davantage de temps pour lever le verre au prince Harry et à la nouvelle princesse Meghan Markle lors du jour de fête nationale. En fait, le 19 mai, c'est également organisé la finale de la Coupe d'Angleterre de football. Donc, le ministère de l'Intérieur souligne qu'il n'y a pas eu nécessairement de désordre lors de précédentes réunions pour les horaires, au fait d'accorder, par exemple, pour les 90 ans de la reine qui coïncidait avec deux matchs de l'Euro 2016. Ça impliquait l'Angleterre, ça impliquait le Pays de Galles. Donc, on est quand même capable de faire justement des ajustements face aux événements, face au mariage qui va avoir lieu. On s'entend que, bon, une coupe d'Angleterre de football, c'est pas la Coupe du monde non plus de football. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu plus facile pour eux de pouvoir tout simplement replacer ce match-là. Mais le 19 mai, si jamais vous êtes du côté du Royaume-Uni, sachez que vous allez pouvoir sortir jusqu'à 1h, contrairement à 23h. C'est-tu heure. Pas beau, ça? Hey, on va être tard, 1h du matin. On est beau Canada. sachez que Meghan Markle pourra pas avoir un bachelorette party incroyable. Elle va pouvoir en avoir un, mais ça sera pas nécessairement olé olé. Tu sais, on s'imagine, c'est sûr et certain, qu'on rentre dans la famille royale, on se doit d'avoir une certaine droiture, ouais. Une petite gêne, le respect aussi des gens autour de nous. Donc, le tout va être pas mal discret, je vous dirais. Il va y avoir un peu de musique, de la bonne nourriture, quelques cocktails seulement, mais ça sera pas une soirée wild comme on les connaît. Autant les hommes que les femmes vont pouvoir être invités au bachelorette party de Meghan Markle. C'est drôle parce que on vient quand même d'un monde d'acteurs. On vient d'un monde où justement les parties qui peuvent terminer très très wild, on est peut-être habitué à ce genre de situations-là. On le sait, Meghan Markle, c'est quand même une fille qui donne dans le temps humanitaire, dans les œuvres de charité. C'est une fille qui a beaucoup de respect aussi, peu importe la nationalité que vous avez ou peu importe la personne qui va être devant elle, elle a toujours un respect incroyable envers ça. Mais de ce côté-là, peut-être qu'on avait une attente quelconque, peut-être qu'on pensait pouvoir faire changer quelque chose, mais non. Ouais. Ça va se faire de façon discrète. C'est elle qui s'adapte à la famille royale et pas le contraire. Exactement. Tu sais, on s'entend. Tu maries le prince Harry, là. Ouais, c'est ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en se mariant en 2018, comme ça, le prince Harry et Meghan Markle dérogent à une tradition. Ah? Parce que les mariages royaux ont généralement lieu des jours de semaine. Ah. Justement parce qu'il y a beaucoup quand même d'événements. Et Harry et Meghan ont choisi de célébrer leur union un samedi. Donc, le frère d'Harry, William, avait épousé Kate Middleton un vendredi et la reine Elizabeth s'était mariée un jeudi parce que ça faisait pas beaucoup, ça faisait pas trop de changements d'horaire à devoir discuter avec le reste de la population. Mais là, on décide de faire ça un samedi. Alors, c'est une des raisons pourquoi aussi les pubs et les cafés vont rester ouverts plus longtemps. Party! Exactement. Comme on le disait, il y aura pas de congé. Le mariage va être célébré à la chapelle. On se demandait pendant un bon moment qui allait payer la note du mariage, en fait, et bon, hein, les principaux aspects de la cérémonie comme le service, la musique, les fleurs, les décorations, la réception, ça va être payé par la famille royale. Bien évidemment, j'imagine que les contribuables du Royaume-Uni, en quelque sorte, vous avez donné quelques petits dollars à cette addition quand même assez salée pour la cérémonie. Mais c'est quelque chose qui est important là-bas au Royaume-Uni que de célébrer ce genre de situation-là. Le public, bien comme on l'a dit, on va devoir travailler malgré tout. Ça inclut les célébrations, mais par la suite, vous allez pouvoir sortir beaucoup plus tard. On a très peu d'informations sur la robe de mariée pour le moment. Ouais. Donc, si vous êtes de ceux qui veulent savoir comment est-ce que Meghan Markle va être habillée... En blanc, probablement. Probablement en blanc, mais vous allez devoir écouter le mariage à la télévision. Ah, ils vont enfin pouvoir sortir leur correspondant royauté. Ouais. Dans toutes les stations de télé, ils ont un correspondant spécial pour les trucs royaux. Là. Ouais. Ils vont pouvoir les sortir de leur cage. C'est là que ça se passe. Ouais. Et tout à l'heure, je vous disais que le prince Harry, c'est quand même un gars qui est émotif. On l'a vu à plusieurs reprises dans des entrevues, justement, discuter de l'union qu'il y avait entre les deux. Et on se rappelle, c'est le plus jeune des deux frères entre lui et William. Par contre, il semble avoir beaucoup souffert de la perte de Lady Diana lorsqu'elle est décédée. Et on a tout simplement décidé de lui-même designer la bague de mariage de Meghan Markle. Oh, wow. Donc, pour pourquoi est-ce que ça a une signification particulière pour lui? Eh bien, justement, elle est constituée d'un diamant central qui provient du Botswana. C'est un pays qui est très cher au cœur du peuple. Ils avaient fait un voyage humanitaire là-bas ensemble. Ils ont passé du temps ensemble là-bas aussi. Mais on y a ajouté deux pierres qui proviennent d'un bijou qui a appartenu à la mère du prince. C'est Madame Lady Diana Spencer. Donc, à ce moment-là, c'est quand même... Tu sais, c'est touchant, ouais. C'est beau. Kate, elle n'a pas eu ça. Fait que vive Meghan! C'est dingue! Et bien évidemment, on se dit mariage royal, invité de marque. Ben oui. On va voir les madames avec leur chapeau, ça c'est sûr, c'est un incontournable du côté du Royaume-Uni. Donald Trump ne sera probablement pas là. Par contre, Barack Obama? Mathieu, la liste d'invités est assez incroyable, merci. Ah ouais. On va avoir droit à la joueuse de tennis Serena Williams, mm-hmm. aux acteurs comme Patrick J. Adams, Elton John, possiblement David Beckham et son épouse Victoria. Il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que le groupe de Victoria, les Spice Girls, pourrait jouer au mariage. Ah oui. C'est pas trop clair encore tout ça, c'est beaucoup de rumeurs, mais j'imagine qu'un des membres de la formation va pouvoir se faire un plaisir de soit dire non, c'est pas vrai, ou oui, c'est vrai. Par contre, on a avoué que certains membres étaient invités à la cérémonie des Spice Girls. Donc, on n'a pas confirmé pour le moment, mais ils sont tous invités. T'sais? Évidemment, ils sont tous anglaises. Hein? Ben oui. Sur le plan politique, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et sa femme, Sophie Grégoire, déguisée en quoi? Vont être invités. J'espère juste que Sophie ne chantera pas. Ah. Et comme tu l'as dit, Mathieu, Barack Obama et Michelle seront présents. Ah, ils ont confirmé qu'elle allait être là. Je sais pas s'ils ont confirmé, mais ils sont clairement invités, ouais, de façon officielle au mariage. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pense que c'est un des mariages royaux où on va pouvoir voir le plus de diversité. On s'entend que Kate et William, ça avait quand même été... C'était fade, non? C'était fade, oui, c'était beau. Écoute, j'ai broyé ma vie. Ouais, peut-être. Mais... ça m'a juste pas intéressé. Je voulais donc une robe comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que là, vraiment, avec une Nord-Américaine, ça amène un autre côté aussi à ce mariage-là. C'est comme une première. On va suivre ça de près parce que c'est sûr et certain que si Justin et Sophie sont là-bas, on veut pas de faux pas de la part de nos représentants canadiens. Alors, je sens que ça va être très intéressant. Hey boy, je pensais pas que t'allais nous apporter ça ce matin, mais c'était intéressant. C'est pas si pire, hein? C'est pas si people. Ben, un peu, mais pas trop. C'était people, mais quand même. C'était moins pire que Rousseau. C'est Meghan Markle. Meghan Markle. Ouais. Est-ce que je me rappelle, on parlait de Stéphane Rousseau et son nouveau talk show tantôt. Oui. J'ai remarqué, en pensant à ça tantôt, que ces trois invités, et ils sont trois animateurs de talk show. Il y avait Marie-Pierre Morin, Guillaume Lepage et c'était qui? Marc Labrèche. Ah oh, ouais. Comme invité. Fait que quatre animateurs de talk show. On est rendu au Québec, là, c'est un petit cercle fermé d'invités. Hein, ça. C'est un cercle d'animation. Vicieux. Cercle vicieux. En plus, il y a eu des gags sexuels dans l'émission hier. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Malaise. Je sais pas pourquoi je parle de ça, on dirait que ça me tente. Je sais pas. Ça hein? me tente, ça me tente. Tu sais, Meghan Markle et son prince. Oui. Je dirais ensemble, 1+1, 2 cœurs. Donc voici Corridor et Allo Maude avec 2 cœurs. Et après ça, on revient pour se dire au revoir à son avocat. Avec la pièce 2 car assemblage requis et c'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On remercie aussi notre ami Dominique Notmavungu. Oui, ses invités. Et ses invités, bien sûr, d'Inside. Jimmy Thibodeau, j'imagine, va être de retour la semaine prochaine. Que voulez-vous, la semaine de relâche, c'est comme ça, on sait jamais trop comment c'est ça se passe. Exactement. Sinon, merci à toi, Talia Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, l'émission, Sébastien F. Gertin sera là pour son bulletin Gertin en début d'émission vers les 7h30. Et ça va être peut-être même une édition spéciale de quelque chose. Oh, on travaille sur quelque chose pour demain. Ah ouais. On va voir. Je savais pas ça. Ben oui, tu le sais. plus tard sur nos ondes, ne manquez pas. C'est fou le sexe dans quelques instants. S'ils sont là, en semaine de relâche, on sait jamais. On sait pas. À midi, la rediffusion de Rock de Neurones. À 15h, c'est dans ta face avec du rock francophone. À 16h, sûrement pas de pas sortable. D'habitude, tu sais. Hein? Les raisons sont bonnes de pas être là. Musique émergente à 16h. Ensuite, à 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve demain 7h. Bye bye. Hey, bon café tout le monde. Oui. Bye. On se quitte avec Papa Groove et All of Us. Ouh. Troublemakers real far away. Until the morning.